Bon alors, confession sous corne d'hop. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? Je me demande bien. Ouais. Est-ce que tu peux me filer les pims, s'il te plaît? Tout à fait. Je trouve que c'est un bon début. Il y a moyen que tu baisses un peu le son? Oui, bien sûr. Merci. Mais en fait, tes écouteurs, ils sont peut-être très très forts, là. Mes écouteurs sont vraiment très très forts. Tu me dis, je suis en train de baisser petit à petit. Est-ce ouais, que ça te... Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai mon volume à moi. Et toi, t'as ton volume à toi. Mon volume à moi. En vrai, tu peux mettre un petit peu plus fort parce que je m'entends pas. Ok. Je m'entendais un peu trop. Vas-y. Vas-y, là, comme c'est bien. Ça, là. Au top. On est pas trop mal. Ce que vous entendez là, c'est le paquet de pims à la framboise qui est en train de s'ouvrir. Parce que nous n'accepterons. Aucune critique des pims à la framboise. Je tends le paquet à Grégoire. J'en saisis un. Merci. Parce qu'on s'est dit que le meilleur pims, c'est finalement celui auquel on pense le moins. Le poire. Ouais, le pims à la poire. Voilà. Je suis pas fan de fraises parce que je trouve que tout ce qui est... Mais comme la confiture de fraises, tout ce qui est confiture de fraises, machin, etc., c'est trop chimique, trop industriel. Les BN à la fraise, déjà, oui. Le biscuit du BN, c'est pas bon. Enfin, je n'aime pas. Je pense que je peux pas être plus d'accord que ça. C'est vrai, en plus, c'est vrai, j'ai des vrais arguments. Mm-hmm. Enfin, pas des arguments, des jugements de goût. Mm-hmm. Moi, c'est sur les yaourts, c'est mon game à moi. Ok. Je préfère toujours un bon yaourt à la mûre ou à la cerise, avec des gros morceaux de fruits noirs, là. Mm-hmm. Parce qu'ils sont plus noirs que violets, tu vois, ils sont sombres vraiment. Ouais, ouais, vraiment. Et que la fraise, quoi. C'est juste basique, la fraise. Ah ouais, vraiment. Ça, c'est vraiment chimique à mort, en fait. C'est vrai. Tu vois, puis c'est mou, là. Alors que la fraise, la vraie bonne fraise. Un vrai fruit fraise, c'est super. Oui. Oui, oui, on le salue. La framboise, ça passe, à la limite, dans les trucs comme ça. La framboise, ça passe. Bah, qu'est-ce qu'on est en train de manger? Pime framboise, tu vois. Pime framboise. Trop bon. La confiture de framboise. Ouais. Super bonne. C'est une des seules confitures. Quand je suis allée à Marseille, parce que le week-end... Non, pas du tout le week-end. La semaine? Ouais, la première semaine de février. Ok. Vu que j'étais encore au chômage, parce que je ne suis plus à partir de lundi. Oh, est-ce qu'on dit la date à laquelle on enregistre? Oui. Ou ça reste secret? Seuls les gens sauront. Non, disons-le. Je sais plus quelle date on est. Bah. Ah si, mais... C'est le Galentine's. Le Galentine's Day. C'est un mix entre Palentine's, Valentine's et Et en fait, Galentine's, c'est quoi? Gal, de l'anglais girl, finalement. Ouais. Et également. Valentine's. Non. Ah. G. Comme Grégoire. Ah oui, Gabriel. Non, mais ça, en fait, c'était tellement évident que j'ai pas. Voilà. Oui, oui. C'est le Galentine's Day, donc le Saint-Valentin entre girls. C'est même ça. Si Grégoire n'est pas une girl. Je suis la girl ce soir pour le Galentine's. Mais il est gal honoraire de notre groupe de copines. Oh, non. C'est vrai. Émérite. Émérite. On peut dire émérite. Non, parce que émérite, je crois que c'est quand tu. Quand t'as été professeur des universités 40 ans de ta vie. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. C'est pour ça que je pense que t'as fini. Membre honoraire. Ça me va. Ou honorifique, peut-être. Faudrait qu'on vérifie. Honorifique, c'est plus un titre honorifique, ouais, je crois. C'est vrai. Mais je veux bien être membre honoraire. Oui, c'est bien. Et du coup, Grégoire est membre honoraire du groupe des Girls. Oui, donc je peux faire un Galentine. J'ai le droit, voilà. Du coup, j'accède au Galentine's. Et en plus, c'est aussi la Saint-Valentin des copains. Tout à fait. Qui ont, dont le prénom commence par un G. Donc Grégoire et Gabriel, ça fait Galentine's. Exactement. Donc, soirée podcast, quoi. Soirée podcast. Et avant de dire ça, oui, j'étais à Marseille. Oui, tu disais. Début février. Hors antenne. Oui. Hors antenne. Non, j'étais 100% à l'antenne. On en parlait avant la pub. Ah merde, attends. Ah oui, Marseille. J'étais chez mon ami/amant. Plus amant que ami. Est-ce que tu veux dire des lettres d'initiales? Ouais, j'étais chez elle. Elle, c'est mon amant depuis plusieurs années et il est super. On l'adore. C'est vrai. Vraiment. C'est un peu le seul mec bien que je fréquente. Je sais pas comment j'ai fait pour. Il est doux. Il est de Lyon, non. À la base. Il est doux. Ah oui, il est doux, doux. Il est doux, quoi. Doux. Il est doux. Ouais, mais il n'est pas que doux, tu vois. Oui, mais dans plusieurs aspects, quoi. Ouais, voilà. La relation est douce. Il adoucit ta vie. Ouais, ouais, il la rend bien. Ça, il la bien. Rend plus fun et tout. Bref. Donc, j'étais avec elle. Et elle, sa mère a une amie qui fait de la confiture de framboise, mais délicieuse. Et on s'est vraiment fait nos meilleurs petits-déj. Début février à Marseille, enfin sur son balcon, qui fait environ 50 cm de large. Mais c'était quand même parfait. Avec des petites tartines de pain, un peu au levain, machin, un truc de bobo, wow. Là, tu sais, d'une boulangerie qui n'est pas ouverte tout le temps. Du beurre salé et la petite couche de confiture de framboise. Mmh. Bah, c'était superbe. La confiture de sa maman. Non, de l'ami de sa mère. De l'ami, pardon. Oui. Ouais, mais bref, c'est une confiture de daronne, quoi. Comme il n'y a que les daronnes. Bonne maman, les trucs bonne maman. Bah non, c'est pas une confiture oui. industrielle, mais voilà. On peut dire que... Mais c'est vrai que la confiture de framboise bonne maman est vraiment bonne. Oui, exception sur la framboise, oui, c'est vrai. Est-ce qu'on s'excuse auprès des gens pour nos bruits de bouche? Moi, je pense que non. Non, parce que ma copine Pauline, elle me dit qu'elle écoute de l'ASMR quand elle doit s'endormir. Alors, je sais pas si c'est des gens qui mangent, mais du coup, je pense que ça va pas la déranger. Et au pire, qui écoutera ce podcast à part nous? Peut-être un cercle d'amis qui va aller petit à petit en s'agrandissant. Tu vois, une amie, puis trois, puis cinq. C'est, ouais. Puis 832. 832, c'est très précis. C'est beaucoup. Mais on sait pas. Mais justement, je pense qu'il faut décider là. Enfin, décider, on a le droit de changer d'avis à plusieurs fois. Mais tu vois, commencer à discuter de qui on veut parler. Ah, quel est notre public cible? Est-ce qu'un jour, là, hop, là, ce sera public? Je ne pense pas. Mais tu vois, il faut en parler. C'est une bonne question. Tu vois, est-ce que c'est un contenu restreint ou pas, quoi? Bah, moi, j'avoue, j'ai méga la flemme de préparer ces émissions. Ouais, alors, je pense qu'il y a eu... C'est pas qu'il y a eu, il y a pas eu de préparation, c'est qu'il y a eu moins, c'est en négatif. Ouais, vraiment. Il y a eu moins 5 de préparation. En fait, on n'y avait même pas avancé. On en avait parlé. On rigolait bien. Ça part quand même de toi qui dit que tu veux faire, faut que je fasse un podcast sur mon histoire avec le stagiaire. Ouais, c'est moi qui ai dit ça en premier. Je sais plus. Peut-être. Faudrait qu'on retrouve. Oui, c'est possible, c'est possible. Je pense que c'était à Noël faudrait qu'on retourne dans notre historique WhatsApp. Oui, c'est ça. C'est oui, c'est vrai. C'est, en tout cas, tu parles beaucoup, enfin, notamment sur WhatsApp, tu me parles beaucoup du stagiaire. Et au bout d'un moment, toi ou moi, on s'est dit, vas-y, faut... Parce que t'as pas toute l'histoire, toi. Ah ben bah, moi, c'est pour l'histoire. Ça que je fais ce podcast. Pour avoir toute l'histoire. Cette émission. Non, j'ai pas toute l'histoire. J'ai des bribes. Ouais. J'ai des bribes. Et donc, on s'est parti de ça. Et moi, je me dis... Ça peut être un bon moyen. Les filles, faites attention à vous. Tu vois, de prévention. Oui, oui, oui. Du cœur brisé. Et donc. Donc, ça peut avoir un rôle plus large que. Ouais. Il y a aussi un. Que moi, les amis, quoi. J'en parlais avec Sandrine, que tu connais. S. T'as déjà dit Pauline, Sandrine. Oui, voilà. Non, mais on les. Eh, attends. C'est juste j'ai hâte de les revoir. C'est juste les gens avec qui on couche qu'on cite pas. Ah, ok, oui. Qu'on anonymise. Voilà. J'ai réussi à le dire. Ouais. Okay. Anonymise, exactement. Inéligibilité. Inéligibilité. Oh. Inéligibilité. Quel talent ici. Bah ouais. Ah non, bien, bien. Donc, pardon. Ouais. Tu peux pas me tester, Grégoire. Tu peux pas me tester. Non, non, bah il y aura peut-être d'autres tests pendant le. d'autres mots comme ça. Ouais, j'avoue. Alors, non, ce que je disais, c'est que. Oui, j'en parlais avec Sandrine et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle fasse grave une émission. Enfin, elle pouvait grave devenir influenceuse tips et astuces. Tips et astuces. Oui, parce que Sandrine, elle a grave des bons tips pour vivre mieux. En général. En général, elle a grave des bons trucs. Alors là, évidemment, j'ai aucune idée parce que évidemment, il faut que j'en parle pour ne plus savoir de quoi je veux parler. Mais par exemple, Sandrine, elle a un balai vapeur. Ah, ça, c'est vraiment une catégorie de gens en particulier. Mais ouais, mais en même temps, ça veut dire... Un balai vapeur, ça, c'est pour nettoyer quelle surface? Le sol. C'est le sol? Ouais, le sol, mais okay, du coup, ça nettoie vraiment bien le sol, ça le désinfecte, vu que c'est de l'eau à 100 degrés, tu vois. Ah ouais. Mais là, il y a un niveau... Ouais, mais elle l'a acheté sur le Bon Coin. Parce que Sandrine, elle regarde que des vidéos sur le Bon Coin, tu vois. Ah ouais. Enfin, elle achète surtout en seconde main. Elle a un Roomba. Ah oui, alors Roomba, anecdote. Directement. Anecdote, j'étais à Brest pour mon, enfin, un festival de podcast, Longueur d'onde. Le fameux. Le très fameux Longueur d'onde. Festival de radio et de podcast, bien sûr. Et Airbnb avec une copine, on divise l'argent et tout, c'est cool. Merci pour le pims. Et la deuxième nuit, elle est réveillée. Pas moi, parce que moi je suis dans une chambre, elle est dans le salon, enfin bref. Ah ouais, tu lui as pas laissé la chambre. En fait, alors attention, parce que là je veux pas être accusé d'être un énorme bâtard. le salon, gros bâtard. Le canapé du salon, c'est une institution quoi. C'est un énorme truc. Ah ouais ? C'est le pentagone quoi. Il est géant, tu le déplies, c'est trop bien. Trop bien. Il est plus grand que le lit de la chambre dans laquelle j'ai dormi, tu vois. Ah presque. Oui, d'accord. Ok, ouais. Bon, bah ça va. Donc, alors. Et puis elle a dit tout de suite en arrivant, vas-y, je prends le salon. Ok. Ça te dérange pas ? T'as dit non. Donc voilà, et elle a été réveillée à 3h du mat, la deuxième nuit. Parce que le Roomba s'est mis en marche. Parce que voilà, il y a un. Je sais pas si c'était Roomba ou une autre marque, tu vois. Un aspirateur intelligent. Vraiment, c'était robot, ça, ouais. C'était rond par terre. Mais il s'est pas mis à se balader par terre et faire ménage. Il a juste, je sais pas, fait une mise à jour. Et c'était fini, quoi. Bah, c'était un peu long. Genre une minute, quoi. Oh, le stress. Juste le temps de se réveiller, de se dire ah, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, machin et tout. Et grave. Quand t'es bien en panique, bah, ça s'arrête, quoi. Oh là là. Mais du coup, c'est trop tard, t'es réveillé. Ouais, oui, en fait, c'est déjà la fin, quoi. Pourquoi on parlait de Roomba ? Sandrine. Voilà, Sandrine, elle a ça, et elle fait plein d'autres trucs comme ça, et je trouve ça hyper stylé, en fait, parce que vraiment, elle. Ouais, elle a grave des bons tips. Et là, j'en ai pas d'autres, mais je trouvais que ça, c'était des bons tips. Après, elle a des trucs aussi pour être classe en toutes circonstances. Ça, c'est bien, ça. Déjà, elle a des tout petits sacs à main rouges. Mais dans lequel elle peut mettre plein de choses. Elle en a plus combien, tu sais ? Elle en a deux, je crois. Okay. Elle en a un en cuir un peu de soirée brillant et un de la vie de tous les jours. Voilà. Sandrine, elle porte pas de baskets. Ok. Ouais. Sauf des baskets. Ouais, elle aime pas les baskets. Donc elle porte des Birkenstock en été. Ouais, oui. Elle porte des Doc Martens. Elle va porter des bottes à talons. Elle a acheté des bottes à talons de pétasse, un peu comme moi, là. Ouais. Faire clac-clac sur les pavés. Clac-clac. Clac-clac. Et ça, je trouve ça hyper... Enfin, tu vois, il faut... Donc, développer le style ouais. autour du pied pour pas porter de basket, quoi. Exactement. Et ça, je trouve ça hyper... Franchement. Ouais, voilà. Et mais franchement, elle pourrait être dans le prochain épisode. Mais oui. C'est Sandrine. Et en plus, Sandrine, elle connaît plein de super restos à Lyon. Et elle a des avis très arrêtés sur les choses. Et je trouve qu'il faut avoir des avis très arrêtés sur les choses pour certaines choses. Ok. Mais en même temps, c'est pour elle qu'elle a l'avis arrêté. Elle va pas tenter de te l'imposer. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ouais. Elle va pas te détruire ton propre avis en disant le sien si c'est un avis contraire. C'est ça. Ok. Ok. Et ah oui, Sandrine, elle se fait faire les ongles. Mm-hmm. Et franchement, elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Waouh. Et Sandrine, qu'est-ce qu'elle fait aussi ? Ah oui, Sandrine, elle paye des massages pas chers de gens qui sont en école un peu. De massage. Oui, du coup, c'est moins cher. Ouais. Et... Oh, bien. Ouais. Oui, ça, c'est pas mal ça. Il y a des écoles aussi de coiffure ou de. Je sais pas s'ils font. Ouais, c'est ça. Ou elles font régulièrement, mais. Et elle a des bons plans, Sandrine. Elle a grave des bons plans. Elle est fan de Bruno Bernard. Oui, enfin, non, elle des mobilités dans la métropole. Est-ce qu'elle est fan ou est-ce qu'elle le suit dans la rue ? Non, mais en fait, elle n'est pas fan parce qu'elle est là, elle dit qu'en ce moment, elle est plus forcément. Elle ne le suit plus. Attends, c'est des rideaux ? C'est nouveau ces rideaux ou pas ? Pas du tout, c'est des rideaux occultants. Pour l'été. Plutôt pour l'été, tu vois. Mais là, tu les as mis pourquoi ? Pour, parce que je chauffe toujours pas ici. Du coup, j'essaie de garder le peu de chaleur qu'il y a. Ouais, je en comprends. Vrai, il fait pas. T'as pas froid là ? Ah non, là, j'ai pas froid sous le plaid. On est sous des plaids. Mais j'essaye de fermer quand même pour préserver. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est bien. C'est et ça je les trouve jolis aussi. Ouais, ça rend bien. Un beau vert canard. Vert canard ? Bleu canard ? Ouais, c'est ça. Ah, canard, débat. Quoi. Canard. Col vert. Col vert. Bête col vert. Ouais. Ouais, j'aime bien. Ouais. Oui, parce qu'il faut décrire un peu aux gens. Bah là, public. on est sur un canapé. Ouais. Dans l'appart de G. Ouais. Bon. C'est moi quoi. Oui, c'est Grégoire parce que G n'est pas mon amant. Parce qu'on a dit qu'on utilisait les initiales que pour les amants. Ok, amantes. Oui. Grégoire. Voilà. De toute façon. Juste le prénom. Ouais. Bah oui, on va pas dire les noms de famille non plus. On imagine, Grégoire, les gens nous reconnaissent quoi. Machin qui habite à tel endroit. Ouais, c'est ça. Imagine, on devient riche et célèbre avec ce podcast. Ça n'arrivera pas. Ouais, mais c'est que les gens qui n'ont pas essayé qui sont restés pauvres. Non, c'est pas ça l'expression. Non, 100% des gagnants ont joué. C'est vraiment les casinos qui... Ouais. Cette phrase, elle est drôle, oh là là. Mais un peu triste aussi. Elle est triste, mais ouais. elle devient drôle, je trouve. Mmh. Ça devient vraiment un truc grave. À ressortir un peu en soirée. Vraiment, on est... En fait, je trouve qu'on est quand même un peu des vrais Yankees et des vrais produits du zeitgeist, en fait. Tu vois, genre des vrais bitches de l'influence. Parce que qu'est-ce qu'on fait là ? Ouais. On fait un podcast. On est dans un canapé, on fait un podcast, on parle de nos vies. Oui. Enfin, franchement, il y a quoi de plus creux que ça ? Qui a fait ça avant nous ? Personne. Voilà, tout le monde. tout le monde a rêvé de devenir riche et célèbre en restant assis sur son canapé. Ouais, en mangeant des choses de la comfort food. En mangeant de la comfort food. Alors que moi, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me muscle un peu parce que là, voilà. Ouais, mais demain. Ouais, je commencerai lundi. Lundi à 9h, t'as rien à faire. Oh, putain, lundi à 9h, je commence un nouveau travail. C'est à quelle heure le. Ouais, 9h. 9h, voilà, exactement. Mais le mot de zeitgeist, il est... Je n'arrive pas à le prononcer bien, mais... Zeitgeist. Soit à l'anglaise, soit à l'allemande, quoi. Mmh. Je ne sais pas comment on le prononce à l'anglaise. À l'allemande. Zeitgeist. Zeitgeist. Ouais. Oh. Vous avez fait allemand LV2, monsieur ? LV2, tout à fait. Oh. Que j'ai passé en LV1 au moment du bac. Mais non. Et donc, ça comptait avec un coef plus fort que l'anglais. Mmh. Afin d'avoir 20 au bac en allemand. Un génie et ingénieux. Oui. Mais tu as eu 20 au bac en allemand ? Ouais. Je te crois pas. C'est réel. Je crois pas. Comment c'est possible d'avoir 20 sur 20 ? Bah, je suis parti 2 mois en Allemagne au moment de mon brevet des collèges. Du coup, après tout mon lycée, j'étais... Est-ce que maintenant tu parles allemand ? Bien sûr. Non. non. Mais j'aime toujours la langue, la musique de cette langue. Je l'aime bien. Ça, je suis d'accord. Faut qu'on arrête de dire que l'allemand, c'est moche. Ouais, et c'est... Faut arrêter. C'est trop beau l'allemand. Ouais, une belle langue. Ouais. J'avais un petit kink sur les Allemands pendant un moment. Ouais. Oui, je comprends. La langue avec le physique ou non, le physique quoi. Le physique, la langue qu'elle est avec, le fait qu'ils sont à fond dans le consentement. Ah, franchement, oui. Oui, ils sont plus modernes que nous, ouais. Oui, mais en fait, ils le rendent un peu sexy, tu vois. Okay. Un jour, j'ai fait un date avec un mec allemand. Quand j'étais en 2019. Ok, il n'y a pas si longtemps. Non, c'était il y a 7 ans. 6 ans. Bientôt. 7 ans, non, wow. 6 ans parce que c'était en septembre 2019, voilà. Fin août 2019. Disons les choses. Et du coup, on fait un petit date, on s'est rencontrés, on discute, machin et tout. L'histoire était sympa en vrai. Ok. Mais bon, c'est un peu... Ou alors je le raconte... Non, c'est un peu long, je raconterai un autre moment. C'est toi qui choisis. Je pense qu'il n'y a vraiment aucune règle là-dedans. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un sujet pour ce soir. C'est quoi déjà ? Je crois que c'est le stagiaire. Ah oui, c'est le stagiaire. Ah, oh là là. Le c'est quoi déjà ? Il me fume de rire. Non, on a dit que le sujet, c'était... on définit le sujet. Ah oui, d'accord. Ah, et on fera le stagiaire... Ah non, on peut faire le stagiaire ce soir. Hein. Oui, d'accord, ok. Ah mais par contre, j'étais pas prête, mais on peut faire le stagiaire ce soir. Parce que moi, si l'épisode dure 20 minutes ou bien 1h59, je m'en fous. Moi, j'adore. Peu importe. Donc, vraiment. Mais oui, déjà, il faut définir le podcast, bien sûr, pour les gens. C'est important. Donc, l'allemand en 2019. Ouais, l'allemand en 2019. Il s'appelait... Tu peux nous le pitcher ouais. Un peu, ouais. Il s'appelait Léo. Je crois que c'était short pour Leonard. Léo, ah oui. Léo. Et en fait, ce qui s'est passé... En août 2019, je suis partie un mois en vacances, je suis allée en camp climat, je suis allée en Irlande, je suis allée je sais plus où. Enfin, bref, j'ai fait plein de trucs. Et ensuite, je suis revenue à Lyon et j'avais pas envie de me faire à manger. Okay. Parce que ça faisait un mois, machin et tout. Et donc je me dis... Ah, pas envie, flemme quoi. Ouais, flemme de me faire à manger. Okay. Donc, je décide de sortir de chez moi. Et à la base, je veux aller jusque sur la presqu'île. J'habitais dans le 7e à l'époque. Pour aller rue Pizet. Parce qu'il y avait Hank Burger. Donc, un truc de burger vegan. Tout à fait. Et je me dis, ah ouais, ça va être trop bien et tout, machin. Et en fait, je passe dans ma rue, qui était vraiment gentrification de la Guillotière à Bâle. Il y a une petite épicerie équitable qui avait une petite terrasse et qui faisait un peu restauration le midi. Et je vois un méga beau gosse en terrasse de ce truc. Donc je décide de passer à côté. Oh. Et à quel point à côté? Bah en gros, vraiment, il y avait deux places, il y avait deux chaises, il y avait. Tu vois les petites terrasses sur les tables, tu sais, sur les places de parking dans la rue là. Ouais, oui, oui, ok, un peu un rectangle défini. Ouais, voilà. Peu, ouais, okay. Petite comme ça, mais limite encore plus petite, parce que c'est okay. Vraiment dans la rue d'Anvers, donc vraiment microscopique. Mm-hmm. Et il y avait vraiment deux petites tables rondes à côté. Et lui, il était, on va dire, du côté gauche, et moi, je me suis mise du côté droit, donc en fait, on était en face, même si on n'était pas sur la même table. Oui, je vois, ok. Voilà, et à ce moment-là, je lisais du Svetlana Alexievitch. J'ai pas la ref. Je pensais, en entendant le prénom au début... Ouais. Svetlana, mais non, je peux pas en citer d'autres. Pour moi, c'est juste un prénom ukrainien et russe. Ou... Ouais. Et ben, okay. Voilà. Svetlana Alexievitch, c'est une autrice. Enfin, en fait, elle a pas vraiment été autrice. Bref, elle a reçu le prix Nobel de littérature et c'est aussi une opposante politique biélorusse. Ah voilà, okay. Voilà. Et qui, en fait, a fait des bouquins de témoignages. Elle a condensé des témoignages sur des sujets précis. Elle a parlé, et donc en fait, elle a parlé par exemple, elle a fait un bouquin qui s'appelait La guerre n'a pas un visage de femme sur les femmes soldates dans l'armée rouge. Parce qu'il y avait des femmes, elles n'étaient pas que infirmières dans l'armée rouge, elles combattaient aussi. Okay, ouais. Il y avait des snipers, enfin tu vois, il y avait vraiment des. Et puis elle a fait un truc sur les enfants. C'est les derniers témoins ou un truc comme ça, où en fait, dans les années 80 ou 90, elle a interrogé des enfants qui avaient vécu la guerre, mais qui maintenant étaient vieux. Elle a aussi fait un bouquin horrible, mais en même temps trop bien, qui s'appelle La Supplication, qui reprend les témoignages de personnes qui ont vécu Tchernobyl. Mais par exemple, la femme des pompiers, parce qu'en fait, c'est les pompiers qui sont les premières personnes à être rentrées dans l'usine de Tchernobyl, c'était les pompiers de la ville. Ils sont tous morts, enfin, genre ils se sont littéralement liquéfiés. Et sa femme, une des femmes des pompiers, était enceinte et ils étaient devenus radioactifs parce que leur corps avait aspiré tellement de radioactivité que eux-mêmes étaient devenus radioactifs. Et donc, elle a perdu son enfant par radioactivité enfin bref, horrible, enfin vraiment vraiment affreux. T'as vu la série Tchernobyl? Et bah Tchernobyl, c'est un peu inspiré de. Et ouais, j'allais dire parce que ça parle un peu de ça. Ça parle de ça. Je sais pas à quel point elle est réaliste la série, mais il me semble qu'elle était plutôt assez réaliste. Ah, la série est hyper réaliste. Et que ça avait un peu vénère les Russes, enfin le gouvernement russe actuel. Ah mais bien sûr. La série est sortie il y a peut-être je sais pas 5 ans, un truc comme ça ou plus. Elle a dû sortir. Elle a pas, un 20 peu ans. Avant le Covid. Ah ouais, c'est sûr. Est impressionnante. Ah, mais et du vraiment. Coup, ça parle beaucoup de la série, justement, des proches, des familles. C'est ça. Les femmes, des maris qui n'ont pas de nouvelles et tout. Oui, et puis... Et je crois qu'il y a une femme, il y a une femme enceinte. Il y a un des persos qui est enceinte. Mais je pense que c'est parce que ça a dû un peu défrayer la chronique. Enfin, tu vois, les gens le savaient et tout. Mais ouais, non, c'est je me permets de rapprocher ton micro. Hein. Ah oui, c'est vrai, pardon. Parce que je me suis un peu couchée. Voilà. T'as bien raison. Et non, franchement, c'est trop bien ce livre. Et en même temps, il est... Un peu comme dans la série de Tchernobyl, où tu vois tout le travail de. Ils tentent de cacher, de dissimuler, et de dissimulation par le gouvernement soviétique de l'ampleur de la catastrophe. Ouais. Et dans le livre, il y a un témoignage assez fou d'un responsable d'un des comités de je sais pas quoi, ou d'un scientifique, je sais plus, qui essaye d'alerter Moscou et. En fait, même si Moscou est au courant, ils veulent rien faire. Enfin, ouais, c'est vraiment la série est vraiment autour de ça. Justement, t'as un mec qui essaye de. Perso principal qui essaye de faire remonter c'est ça. L'information, il me semble. Et... Donc, mais trop bien. Et c'est donc Svetlana comment ? Alexievitch. Ok, ouais. Ah, je connais pas du tout. Et elle a aussi écrit La fin de l'homme rouge. Ok. Enfin, encore une fois, c'est pas écrit parce qu'elle fait des témoignages et après elle retranscrit les témoignages. Mais c'est elle qui choisit les témoignages et tout, tu vois. Et c'est sur les gens qui ont vécu la fin du soviétisme et de ce que ça leur a fait. Parce qu'apparemment, il y a eu beau... Enfin, et Et j'avais commencé à lire et j'ai arrêté de le lire parce que déjà il est très gros et aussi parce que je voulais lire avant tous les autres, bah, sur la supplication, la guerre n'a pas un visage de femme, sur les enfants. Il y a eu, elle a aussi écrit les cercles, enfin elle a aussi fait les cercueils de zinc sur les soldats qui sont morts en Afghanistan durant l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979. Oh oui. Et je crois que c'est sur les mères des soldats. Enfin bref, trop bien. Et en fait. Tous ces livres, ils permettent de montrer à quel point l'homme soviétique, l'homo soviéticus, était presque une espèce à part entière. Dans l'histoire Bah, pas vraiment dans l'histoire, mais par rapport à l'Occident, c'était vraiment très différent dans les manières de penser, les manières de faire. Ouais. Et que finalement, bah, la fin du soviétisme, ça a aussi été la fin de ce mode de vie, de cette façon de penser, de faire depuis toujours. Et donc les gens se sont retrouvés dans un truc où eux existaient et c'était la fin de quelque chose et ils étaient incapables de se battre contre ça puisque ça n'existait plus. Oui, c'était déjà l'ancien monde. Mmh, c'est ça. Et elle a documenté tout ça, quoi. Et elle a documenté tout c'est ça. C'est fort, hein. Et c'est... franchement, c'est fort. Enfin, je comprends qu'elle ait eu le prix Nobel de littérature et tout. Toi, t'as lu ça, t'étais en quel contexte? T'étais enfin... Tu bossais... J'étais, à ce moment-là, j'étais en master genre à Ah, t'étais en études de genre à ce moment-là. Ouais. J'étais en études de genre. Je sais pas comment j'en suis arrivée à lire ça, mais en tout cas, j'ai... Ouais, t'es tombé dessus, mais trop bien. Ouais. J'ai lu La Supplication, je l'ai dévorée quand j'étais en Irlande. Ok. C'était incroyable, et après j'ai enchaîné avec La Fin de l'Homme Rouge. Et t'as lu ces deux-là de elle? J'ai pas fini La Fin de l'Homme Rouge. Ah, ok, j'ai j'ai dû lire la moitié, et j'ai jamais repris. Et j'avais acheté La Guerre n'a pas un visage de femme, et je l'ai lu. Ouais. Mais pas en entier non plus, j'ai lu des bouts, je crois. Et parce que j'avais un ex avant, A. On l'appelle A. Voilà, qui est pas, enfin bref, c'est un ex d'il y a longtemps. Mais il avait fait un an d'études en Russie, avant qu'on se rencontre. Et il était un peu... Et donc en fait, je pense que c'est, en le côtoyant, j'ai dû m'intéresser au sujet, tu vois. Donc t'as un petit attachement... russophile, enfin dans ton, parce que t'as lu ça, ouais, il y a cet ex, ouais, la langue russe, non tu l'as jamais étudié, non jamais, quoi. Mais t'as, je sais pas que t'avais, bah non, t'intéressais un peu, non, pas du tout russophile, juste je m'intéresse à l'histoire, donc de fait je m'intéresse à l'histoire de l'Antiquité, machin, bien. Etc. J'aime bien les séries historiques, donc j'ai dû peut-être voir des trucs de séries historiques de la Russie, mais non, je dirais pas que je suis russophile. Ouais, ok. Mais juste, bah, tu sais, ça t'intéresse. Et puis aussi parce que Svetlana Alexievitch, enfin, je crois que c'est assez rare ce ouais, genre ouais, de ouais, oui, ça a l'air rare. Tu vois, condenser des témoignages, etc. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est vivant là ou... Bah oui, mais oui, parce qu'elle a eu le prix Nobel il n'y a pas si longtemps, okay, parce qu'en fait... Elle a écrit ça il y a... Enfin... Bah finalement, elle a dû écrire, tu vois, La Fin de l'Homme Rouge, elle a dû l'écrire dans les années 2000. Ah oui, d'accord. Donc c'est assez récent, en fait. Ouais. Après, j'en sais pas plus, hein, je connais pas mais ses actualités. Mais bah, déjà, tu le présentes bien, je trouve. Ah, super. Ouais. Voilà. Moi, ouais, je connaissais pas du tout. Mais c'est trop bien. J'aime bien ce prénom, en plus, Svetlana, je l'ai beaucoup entendu depuis la... guerre en Ukraine, enfin depuis 2022 en tout cas. Ok. C'est un prénom qui, c'est un prénom courant. Oui. J'ai oui. l'impression aussi ouais, en Ukraine, enfin bref, dans le monde slave. Ouais, ouais, ouais, ça doit être un prénom assez courant, ouais. Bah oui, voilà. Et donc tu lisais ce livre? Bah du coup j'étais tu en train de lire ce livre et donc je lisais La Fin de l'Homme Rouge de Svetlana Alexievitch. Sur la terrasse. Sur la terrasse et puis en fait je me mets à parler, enfin bref, on discute et j'apprends qu'il est étudiant en Erasmus et qu'il est allemand. Okay. Et donc à partir du moment où j'ai capté, enfin bref, j'ai trouvé, toi et moi on va coucher ensemble. Spoiler alerte, on a couché ensemble. Et en vrai c'était bien. C'était bien. C'était bien. Et vous êtes revus plusieurs ouais, fois. Ouais, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on est partis ensemble, du coup, mais c'était le midi, hein. Okay. On discute et tout, on échange nos coordonnées. Lui je pense qu'il était content parce qu'en vrai il débarquait à Lyon pour trouver, il a galéré à trouver un appart en plus à l'époque. Okay. Enfin tu vois, ça lui faisait des liens aussi à Lyon, tu vois, donc ouais. Voilà. Et il s'est sûrement dit Aria quoi. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, c'est vraiment nul. C'est dire let's go quoi. Oui, oui quoi. Ouais. Zébardi. Je pense qu'on peut traduire par Zébardi. Aria Genau, tu vois. Ok, ah oui, d'accord, c'était de l'allemand. Oh, waouh. Oui, pardon, ouais, c'était vraiment mal. Non, mais. Mal amené. Ouais. Schlittschuhlaufen, tu vois. Ça, c'est patinage artistique. Ah, super, ouais, j'adore. C'est un des mots que j'ai retenu pour impressionner mon entourage. Bravo. Ouais. C'est bien d'avoir des mots un peu comme ça. Ouais. Que tu sors pas souvent, mais histoire de prouver, tu sais, que t'as un peu de la culture, oui, t'es voilà, un peu cultivé. Voilà, pour prouver, hein, c'est vraiment un truc de prouveur. Ouais, pour prouver que, regardez-moi, je suis un peu raffiné. Regardez-moi, j'ai l'allemand coule dans mes veines. Alors que vraiment pas trop, quoi. il a coulé, il coula. Il coula. Il coulure. Sans circonflexité. Il coulure ? Non, mais non, pas coup du dur. Tout, il coula. T'as la commune, t'avais le coup dur, là. Je connais pas. Il y a vraiment un mème qui tourne depuis des années avec les panneaux de ville. Il y a Hébé Crevon, il y a Angoisse, il y a Coup dur, il y a Mar, M-A-2-R-E, tu vois. Et il y en a un, attends, je ne le retrouve plus, mais... C'est vrai que Hébé Crevon, je l'ai en tête. Ouais. Il est fou sur Hébé Crevon. C'est une ancienne commune, aujourd'hui, ça ne s'appelle plus Hébé Crevon, mais bon, t'as toujours le lieu-dit, je pense. Tu vois. Ah ouais, le lieu-dit. Et puis bon, le panneau de commune avec le fond rouge, Hébé Crevon. J'ai envie de dire ça la veille de ma mort, quoi. Hébé Crevon. Trop bien, quoi. Tu vois, t'as vécu une belle vie. Ouais. C'était cool, plein de choses, une vie riche, quoi. Des relations, des projets, tout ça. Et ben, t'as pas besoin de philosopher trop longtemps. Hébé Crevon, en fait. Ouais, là, je pense que c'est bien. Je pense que c'est vraiment dans ce contexte-là, faut le teaser, quoi. Oh, ouais. On a niqué les micros, quoi. Ah ouais. Trop drôle. À force de rire. Oui, mais normal. Attends, c'est fait pour, hein. Je sais même plus pourquoi je disais ça. Tu vas devoir faire du taf de mixage. Pas du tout. Écoute-moi bien. C'est un podcast où il n'y aura aucun taf. Ni avant. Ni pendant. Ni pendant, ni après. Ni après. Vraiment. Si, peut-être coupé au début, puis à la fin, quoi. Ouais. Après, au milieu, pas du tout. Ouais, en fait, on documente notre amitié. On documente notre amitié, là, je pense, Grégoire. Exactement, exactement. Ça me fait trop plaisir. Mais ouais, parce qu'il faut que vous sachiez. Sachez. Il faut sachez que Grégoire et moi, on s'est rencontrés de façon un peu inopportune. Impromptu plus qu'inopportune. Ouais. On était à une conférence tous les deux. Et on était littéralement assis à côté. Et on a commencé à discuter. Et petit coup de foudre amical. Enfin, je sais pas, je dirais pas coup de foudre amical, mais on s'est bien plu. Parce que coup de foudre amical, c'est... Non, c'est un peu fort pour le terme. Ouais, ouais. Mais en tout cas... C'est venu plus tard. Peut-être. C'est venu plus tard. Mais on s'est connu là et... On s'est connu là et vraiment, moi je l'ai bien kiffé et je pense que toi tu m'as bien kiffé aussi. Mm-hmm. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et Grégory il m'a ramené dans une asso qui est géniale, dont je parlerai plus tard. Parce que là sinon on n'a pas le temps. On va pas tout révéler. Ouais, on va pas tout révéler de nos vies non plus. Et après, on s'est rapprochés progressivement et on est devenus copains. Road to amitié. Road to amitié, ouais. Ouais, ouais. Et il y a eu plein de moments. Et puis, l'année 2025, donc ça, c'était en juin 2023. Oh. Oui. Ouais, et après, l'année 2025, à partir du mois d'avril, je dirais, ça fut un peu le... Comment on appelle ça ? Inopportune aussi, on peut le dire, ouais, cette fois-ci. Ouais, cette ouais. fois-ci, on peut le dire. C'est le moment qui a un peu scellé notre amitié. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup soutenus tous les deux, parce que Grégoire traversait une rupture très compliquée. C'est vrai. Ce qu'on peut le, on peut le dire. Ouais. Peut le dire. Et moi, je traversais des états, un état mental très compliqué aussi. Voilà. On s'est quand même renommé le club des cœurs brisés. Bonjour. Bien entendu. Ça faisait 5 jours que je mangeais que des pommes potes et Grégoire, il est venu chez moi. On a pleuré tous les deux sur mon lit. Il m'avait ramené des pommes potes et après, on a sniffé de l'huile essentielle de lavande pour se détendre. Oui, et j'avais oublié cet aspect-là. Je pense que ça a vraiment scellé notre amitié, notre proximité. On était très proches déjà avant, on s'appréciait beaucoup. Mais se voir dans cet état de vulnérabilité... Oui, c'est dur, mais ça rapproche. Ouais. Ça rapproche, c'est sûr. Voilà. Et puis après... Ça met en confiance. Ça met en confiance. Mais trop bien, ouais. Ouais. Et maintenant, on est un peu les besties. Et on fait un podcast. Et on fait un podcast. Un podcast. On a parlé de se moquer des gens enrhumés. Ah oui, je pensais que tu voulais faire un jeu de mots genre bestie, podcast, un godcast. Non, ça marche un godcast. Un godcast. C'est à la fois too much et très bizarre. Quoi. Je pense que par contre, ça pourra s'appeler le godcast quand tu feras un... Ah oui, épisode spécial. Un épisode spécial avec Sandrine. Parce que Sandrine, elle adore parler de dildo. Très bien, franchement. pourra faire un épisode spécial. Dildo, ouais. Plaisir solitaire, ouais. On verra comment on l'intitule. Ouais. Bah, confession sous candiop, deux points. Non, confession sous candiop, deux points, plaisir solitaire. Bah, le titre de l'épisode ou du podcast en général. Le podcast en général, ça sera confession sous candiop. Ouais. Après, on n'a pas de candiop là, mais c'est pas grave. Franchement, on n'en a pas. Je trouve le nom est super, mais donc il faut le dire, c'est toi qui l'as proposé. Ouais, c'est vrai. C'était venu comme ça, confession sous candiop, ouais. Direct. Mais moi j'aime bien, moi je valide. Mmh. C'est juste que là on n'a pas de candy-hop quoi. Oui, après on a des guimauves. Ah oui, on a des cœurs en guimauve enrobés de chocolat parce que c'est la Saint-Valentin quand même. C'est ça. On a des pims à la framboise, on a mangé des pizzas avant. Ouais. On a du jus de pomme Andros pressé. Incroyable. Il y a des granolas. Pressé. Ouais. Grégoire il a aussi mangé de la soupe. Enfin, franchement, ça va en termes de nourriture. On a... C'est la soupe de l'homme malade. Et à chaque fois, ça me donne envie de boire de la soupe quand je suis pas malade. Quand je suis malade, j'en bois et je me dis « Ah, il faudrait que j'en boive tout le temps ?» C'est bon ? Ouais. Non, tu dis « Ah, ouais. » Apparemment, c'est sain. Ouais, ok. Mm. Oui, c'est ça. Hein. Oui, il n'y a pas grand-chose de moins sain que la soupe. Bah non, c'est des légumes. C'est vraiment des légumes. Ouais. Et de l'eau, quoi. Et de l'eau. De l'eau. Après, là, c'est quand même de la soupe industrielle. Vraiment, on peut le dire. Donc, on n'est quand même pas sur une qualité qualitative de top qualité, tu vois. Ouais. Il y a un goût qui réjouit ma glotte et qui me rend heureux de dire je bois de la soupe. Le goût du sel et des pesticides. Ah, incroyable, il est bon, tu vois. Mmh. On adore. Miam, miam, miam, miam, miam. On est à quelle parenthèse de parenthèse là? Oui, parce qu'on soupe, était parti. Manger le titre du podcast. Le titre et du podcast. Et Sandrine, épisode d'Île d'Or. Voilà, sachant qu'à la base on parlait de Léo. De Léo? Ouais. Ah, Léonard. Oui, Léonard. Oui, Léonard. Oui, oui, oui. Mais Léonard. Je sais plus pourquoi on me parlait de Léonard. Ben parce que. Les Allemands, le king sur les Allemands. Allemands. Parce que t'as parlé de l'Allemand. Parce que j'ai parlé, parce que j'ai dit. Parce que je parlais de Zeitgeist. Oh, alors ça. Voilà, c'est bon. Je m'en serais pas souvenu. Qu'est-ce qu'on fait? Zeitgeist. Ok, ouais, ouais. Mais avant Zeitgeist. De podcast, ne pas travailler, faire le podcast pour pas travailler. Et puis je pense qu'après, on était, on était en boucle en fait. Mais du coup, donc, ça, on en revient au podcast. Ouais. Là, le titre, moi, je le valide, tu vois. Ouais, ok. À moins qu'on ait une meilleure idée qui vienne avant la fin de l'épisode. Ouais. Mm-hmm. C'est un peu l'épisode pilote, non? Ouais, on est grave sur C'est l'épisode 0 plus que l'épisode 1. Ouais, je pense. Exactement. Et cette situation me fait rire. Ça me fait rire. Oh, ça, on l'entend. Mais tu fais exprès. Bah oui. C'est bien fait, hein. On dirait un petit habillage sonore. Tu vois, là, t'es en train de frotter le plaid. Ouais, mais avec les gens peuvent s'imaginer que c'est, je sais pas, une petite souris qui se déplace très vite sur une petite surface abrasive. Mmh. Ou bien autre chose, quelqu'un qui essaye d'allumer un feu. Ou... Oh. J'adore ce truc de bruitage où tu sais, tu fais grave. Un bruit, tu représentes quelque chose avec un objet qui a rien à voir, quoi. De ouf. Je trouve ça trop bien. Est-ce que t'aurais pas loupé une carrière de bruiteur, finalement? Je pense que j'aurais bien aimé. Hein. Mais ma vie n'est pas finie, malgré mon âge. Non. Et la vie, d'ailleurs, la vie n'est jamais finie. Parce que là, je sors quand même d'une semaine. Alors, oui. Enfin, je veux dire, mon daron, sa vie, elle a failli finir. Comme a dit Grégoire, le plus drôle dans les histoires sur ton daron, c'est la chute. C'est la chute, bien sûr. Parce qu'il faut savoir. Non, le plus drôle dans les blagues sur ton père, c'est la chute. Non, le plus drôle dans les blagues sur mon père, c'est la chute. Ouais. Parce qu'en fait, mon père est tombé le 7 février. Non, le 7 février, le 7 octobre. Ouais, le 7 octobre, ouais. Parlons-en. Date compliquée. Ouais, date compliquée, vraiment. Genre date chargée. Voilà. Et en fait, bah, il a failli crever. Clamsé, mais comme ça, laisser sa femme et ses trois filles éplorer. À 50. Non, on a fêté ses 65 ans, il est tombé le 7 octobre. Le 10, le 11 octobre, il fêtait son anniversaire. On a fêté son anniversaire à l'hôpital, ses 65 ans. Ouais, horrible. Le 11 octobre? Ouais, le 11 octobre. Ah ouais, et puis le 11, il était. Ah ouais, le 11, il était encore à l'hôpital, il parlait pas, ouais. Ah ouais, non, c'était très très dur, hein. Là, je te mens pas. Bref, on le savait. Mais ce que je voulais dire, donc, attends. C'est dur. Hein. C'est dur, hein. C'est à la fois hyper tranquille et agréable, et dur. Donc, ouais, confession sous candiop. La vie, mourir, on va pas mourir, je suis vivant, machin. Ouais. Je sais pas pourquoi je disais je suis vivant, mais... Mais ouais, non, le titre, le podcast... Ah, on sait plus, on est bloqué là, tu sais. Ouais, mourir c'est facile, j'ai pas dit un truc comme ça. Non, je sais, on n'est jamais fini. Ouais. Voilà, c'est ça. La vie n'est jamais finie. Oui. C'est ça que j'ai dit. Et enfin, il n'est jamais trop tard, ou bref, un truc comme ça. Okay. Parce que je sors d'une semaine de formation. Oh, scout. D'accord. Heureusement que tu raccroches sur le truc parce que. Ouais, je suis très intelligente. C'est faux. Mais bon, j'aime bien le dire quand même. Si tu le dis, ça devient vrai. Je sors d'une semaine de formation scout, donc j'étais formatrice. Et dans les stagiaires, il y avait Jean-Michel. Et Jean-Michel, il a 53 ans. Non étonnant pour un stagiaire, ouais, mais il a 53 ans. Parce qu'il a 53 ans, ouais. Et il est dans une maîtrise pour des louveteaux-jeannettes, donc des 8-11 ans. Mm. Et il y a 4 hommes qui ont 40, 40, 53 et 68 ans. Et après, là, ils ont été rejoints par 2 plus jeunes de 20 et 22 ans. Trop bien. En ce moment, Jean-Michel, il est au chômage, donc il a décidé de se former, ce que je trouve trop stylé. C'est chou. Et ouais, et surtout que, en fait, il y avait Jean-Michel qui avait 53 ans, et après, je pense que le plus vieux, il devait avoir 22 ans. Et il y en avait une grosse partie qui avait en dessous de 18 ans. Ah oui, en dessous de 18 ans. Mais ouais. 17, parce que tu peux pas être beaucoup plus jeune que et ça. Et ben, il y en avait même une qui avait une 16 ans. Ah ouais, y t'as avait le droit beaucoup de... Ouais, il y en avait beaucoup qui avaient 17, 18, il y avait beaucoup de mineurs. C'était assez impressionnant. Et moi, je me suis dit, mais lui, il s'est éclaté de ouf, il s'est trop bien entendu dans son équipe et tout. Et donc, déjà, c'est possible de se former à 53 ans. Oui, oui. Donc, ça veut dire que voilà. La vie n'est pas du tout finie. Voilà. Et deuxième chose, les stagiaires étaient en mode, quoi, mais d'où t'as 30 ans et tout. Ça, est-ce que ça a flatté ton ego ? De ouf, ça flatte mon ego. À chaque fois, ça flatte mon ego. À chacune de mes formations, à chaque fois, on fait quoi ? Mais t'as 30 ans, mais pas du tout. Moi, je pensais que t'avais. Bon, maintenant, ils disent plus 26 ans. Ils disent quoi ? Avant, ils disaient 22 ans, tu vois. Bon, ouais, bon. Ouais, bah, ça correspond aux années qui passent, quoi. Ouais, mais en 2 ans, j'ai pris 4 ans. Ah ouais. Mais c'est toujours, t'as pris 4 ans, mais dans une situation où on te donne moins que ton âge. Ouais, donc c'est quand même gratifiant, quoi. Et en fait, déjà, à chaque fois, je rigole en disant c'est la skincare. Ouais. Parce que je mets en vrai, pas tant, parce que je fais pas non plus tant de skincare. D'accord. Tu vois. Mais en fait, c'est surtout parce que je suis extrêmement immature comme personne. Parce que j'ai quand même 30 ans. Okay. Et en fait, je me trouve très immature. Ah, c'est l'immaturité qui te. Oui, oui. Et je pense que du coup, c'est juste que j'agis. Enfin. Et en fait, tu après. Tu penses que c'est pas vraiment un truc de physique ? Alors, il y a à 60% moyen... physique, à 40% l'immaturité ? Il y a à 60% physique, mais il y a aussi. La façon dont tu te comportes et aussi la vision qu'on a des gens de 30 ans. Et en fait, à 30 ans, t'es pas fini. Enfin, à 30 ans, t'es encore super jeune, tu vois. Et puis, il y a des gens de 30 ans qui en ont l'air 40. Ouais. Et je salue tous les gens de 40 ans, c'est super d'avoir 40 ans. C'est trop ouais. Bien. Non, mais oui, c'est vrai. Mais tu vois, qui, à l'inverse, ont l'air d'être plus vieux qu'ils ne sont. Oui, c'est parce vrai. Parce que leur situation de vie, ou leur façon d'être, ou leur façon de se déplacer, ou de parler. Exactement. Voilà, quoi. Et du coup, il y a un peu un truc d'état d'esprit, de physique, de tout ça. Et après, peut-être que je me voile complètement la face. Dans quel sens ? Dans le sens où je me dis, ouais, non, je suis pas si vieille et tout, alors qu'en fait, j'ai 30 ans. Je suis célibataire. Mm-hmm. La preuve, je suis en train de faire un Galentine's le 14 février. Et moi non plus, je serais pas là. Bah non. Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis sorti tout à l'heure chercher les pizzas. Ouais. J'ai vraiment vu que des petits couples, quoi. C'était trop drôle. Et en même temps, la flemme de faire la Saint-Valentin au restaurant. Oui. Là, il y avait une petite file d'attente devant un club de jazz. Ah ouais, c'est tellement bobo, la Croix-Rousse. Je suis descendu deux fois dans ce truc. Il y a un petit escalier sympa, tu descends. Et là, j'étais un peu pétrifié en bas parce que je descends tout seul, tu vois. Mm-hmm. Tout le monde est là, entre les gens, des amis ou des couples, tu vois. Mm-hmm. Et ils vont voir cette petite soirée de jazz, quoi. Petite soirée de jazz. Ouais. J'aimerais être dans l'attitude de... J'ai envie de faire ça. Avec quelqu'un ? Non, aimer, tu vois, non, mais ça, en fait, c'est un truc de style aussi. Un truc de musical, style. Style musical. Ouais, genre ça m'attire jazz. Pas, ça m'attire pas. Ouais, mais ça fait raffiner, quoi. Ça fait raffiner. Ça fait raffiner. Et du coup, je voudrais aimer le jazz ? Non. Je voudrais pouvoir y aller, me poser comme j'entre dans un bar, tu vois, ouais. Et je kiffe la musique, quoi. Oui. Mais là, non, il y a des codes un peu sociaux, tu vois, tu viens aussi un peu habillé d'une certaine façon, quand même, un petit peu. Ok, c'est quoi le style ? Un peu branchouille. Bourgeois branchouille, détendouille. Est-ce que je peux donner des exemples précis ? Mmh. Dans le pantalon, il est comment ? Le pantalon, il est pas de jean, tu vois. Ouais, il est un peu large, mais pas trop large non plus. Large, mais pas trop. Bien coupé. Mmh. Et qui fait négliger, mais qui a coûté cher. Ah ouais, je vois. Bon, on est dans les pentes de la Croix-Rousse, quoi. Oui, oui, oui. En fait, c'est ça, faut juste que je... je prenne l'habitude, quoi. Il faut juste... Ouais, ouais, alors là, je suis en train stratégie, de... Stratégie, c'est fou ce qui est en train de se passer. Ouais. En train de saisir des objets. Hop. Un verre. Ah. Et donc là, je déplace vraiment le micro. Désolé pour les bruits du micro, là. C'est fou ce qui se passe. On veut pas abîmer le matos de professionnel. Et bien sûr, bah attends. Et heureusement qu'on fait avec du matos de professionnel ce podcast, quoi. Sinon, qu'est-ce que ce serait ? Non, mais vraiment, la grandeur a besoin... Et M ne m'a pas envoyé de message. Ça veut vraiment dire qu'il n'est pas intéressé par moi. Tu veux parler de M, là, du coup ? Parce que t'avais commencé donc à parler de la semaine de formation. Ouais. Dont tu, la, dans ouais. laquelle tu sors, ouais, formation ouais, grave. Tu veux parler de M ou pas ? Je sais pas s'il y a grand chose à dire sur M. La principale raison, au début, franchement, honnêtement, j'allais pas le calculer du stage, mais je me suis rendu compte qu'il avait le même sourire que un ancien amant qui s'appelle A, ah. qui n'est Alors, pas mon ex de il y a plusieurs années. A plus ou A 2 ou voilà. Ouais. En tout cas, c'est pas le A allemand. Non, non, le A, non, allemand c'était L. L ouais. En plus, on a en plus, j'ai 100% dit son prénom. On a vraiment dit son prénom ouais. plusieurs fois. De toute façon, on s'en fout. Enfin, ils le sauront jamais. Puis ce podcast n'est pas destiné à. Non, non, non, il n'est pas destiné. Et en fait. Donc, même sourire que A, comme ouais. le A plutôt récent. C'est ça. Et après, en fait, il m'a fait rire progressivement. Ah oui, et aussi, j'étais en fin de règle. Enfin, j'ai eu mes règles et après, j'étais en fin de règle. Ok. Et je sais pas si je t'avais dit. Mais je prends des antidépresseurs. Enfin, ça, tu le savais. Ça, je le savais. C'est normal qu'il y ait un petit bruit dans le truc, ça fait un petit... Il y a un petit... Ouais. Oui, effectivement. Effectivement, on va faire une petite recherche de son, là. Mm. Mais pendant que tu continues de parler. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu mes règles et après, et ma libido s'est réveillée. Alors que j'avais plus de libido depuis plusieurs mois. Ah oui ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, nouvel effet des antidep. Ouais, puis je pense que tu sais, je sors de ce qui s'est passé avec mon père, ouais. tout ça. Donc, en fait, puis c'est la fin de l'hiver aussi, donc ça commence à. Ah oui, ah oui. Naturellement. Ouais. Mais du coup, bah, la libido s'est concentrée sur le premier mec plus ou moins potable, accessible, c'est-à-dire M, mon co-formateur. Ouais. Très sympa, en vrai, très drôle. Autodérision et tout, mais franchement, le mec, c'est un peu un 6-7 héros classique, tu vois. Ok. Genre, kiné, d'une famille bourge, ses potes, qui s'est pas trop posé des questions. Même si, enfin, même si le mec est pas de droite non plus. Oui, oui. Voilà quoi. Ça empêche pas d'être un 6-7 héros classique. Ça n'empêche pas. Oui, oui, enfin voilà. Effectivement. Et, tu veux dire son âge ou pas? Et en fait, c'est ça le gros problème. Le gros problème, c'est que M, il est de 2002. Et donc, il a 23 ans. Mm. Et c'est horrible, mais je me suis tellement sentie comme une prédatrice d'être intéressée et d'avoir envie de coucher avec un mec de 23 ans. Mais t'avais pas envie de coucher avec un mec de 23 ans. T'avais envie de coucher avec lui. Enfin, c'est pas, oui, c'est mais pas, sauf pas que le problème, c'est qu'il a 23 ans, tu vois. C'est quand même très jeune. Bah c'est après voilà ça dépend beaucoup des critères du contexte et tout et donc c'était pas un stagiaire hein. Ah non non, il faut non, non, le... non non non non c'était un co-formateur faut... enfin tu l'as déjà dit mais je le redis hein. Ouais ah oui tu t'es éloigné un peu le micro ouais, ouais tout va bien on fait ça avec beaucoup de professionnalisme ouais super comme vous pouvez le constater vraiment mais oui non non non non non mais jamais de la vie non si ça avait été un stagiaire ça aurait été totalement différent parce que c'est pas du tout la même En fait, dans le, bah, t'as y a un, rapport d'autorité qui, enfin ouais non, ouais, ça va pas du tout. Mais là, tu m'as dit tout à l'heure mm-hmm. que parce que tu m'as parlé avant de ça, mm-hmm. tu m'as dit il est pas étudiant. Non. Déjà, c'est important. Et en fait, c'est ça, c'est le type. En fait, il est kiné, machin et tout, donc il est déjà dans la vie plus ou moins. Il est déjà dans la vie active. Mm. Et voilà. Après, je pense qu'il se passera rien. Hein. C'est juste un crush mal placé. Mm. Mal placé. Bon, c'est chiant les crushs qui n'aboutissent pas. Ah, j'ai oui, pas oui. l'habitude des crushs qui n'aboutissent pas en fait. Ah ok. Moi, les crushs aboutissent. Intéressant. Après, je tombe amoureuse, je me fais briser le cœur, mais au moins ils ont abouti. C'est ça. Au moins il y a eu quelque chose quoi. Au moins il y a eu quelque chose. Ok. Mais est-ce que là tu juges pas trop vite avant Tu vois, juste en rentrant là, dernier jour de stage, tu t'es rentré aujourd'hui. Quelques messages. Ouais, bah en fait. Mais c'est hyper tôt quoi. Moi je me. Comme pour la rédaction des avis de stage des stagiaires, je me base sur des éléments objectifs. Ok. Dans le domaine le moins objectif de la vie, à savoir l'amour, l'amour, l'attirance, le... Oui, mais en fait, tu sais, t'as... Je taquine, hein. Tu taquines. Je taquine fort. T'inquiète un peu. Non, mais bon. En vrai, tu le sais quand tu plais à quelqu'un, non? Après, il y a des signes, des trucs, je suis d'accord. Ouais. Je fais exprès de... Ouais, ouais, ouais. Je fais exprès de dire ça, mais... Tu vois... Mais ok, ok. Et si tu... Je trouve que si tu doutes, c'est qu'il n'y a rien. Tu vois? Ok. Si tu dois douter, c'est qu'il n'y a rien. T'as jamais douté et en fait, il y a eu quelque chose avec quelqu'un? Je réfléchis. Question Non, jamais. Okay. À chaque fois, j'ai cloqué le truc avant. J'étais en mode, je pense que je plais à cette personne. Ok. Et j'avais raison à chaque fois. Bon, bah au moins... Mais là, t'as eu plusieurs signes... Non, justement, t'as pas eu ces signes-là, là. Bah, en fait... Dont t'as besoin. Les signes dont t'as besoin, tu les as pas eu. Bah, on a beaucoup rigolé, machin, etc. J'ai souvent surpris des regards, mais je sais pas s'ils me regardaient okay. presque comme ça ou pas. Voilà. Il y a eu un petit regard, mais vraiment très léger, tout à l'heure, quand on partait du centre de formation. Dernier jour, tout ça. Ouais. On s'est regardé et il y a eu un peu un truc... on s'est vraiment souri et était le regard où tu te sais, tu vois. Ok. Mais en même temps, à ce moment-là, il y a une co-formatrice qui est arrivée et je pense qu'elle a un peu vu notre regard entre nous, je sais pas quoi, et elle a demandé ce qui se passait et donc j'ai dit une connerie, tu vois. Mais elle a demandé ce qui se passait en rigolant un peu. Elle a fait genre il se passe quoi? Parce que comme on s'est regardé, comme on se savait, tu sais, genre un peu on se sait, ça peut être un peu en mode un regard entendu de. Il y a un truc qui est pas dit. Enfin, je sais pas, genre il y a une situation qui est pas dite et il s'est passé quelque chose. Ah oui, il y a quelque chose de négatif quoi. Pas forcément quelque chose de négatif, mais quelque chose. Ok, en tout cas, elle s'est dit vas-y, j'interviens quoi. Ouais. Et du coup, voilà. Et. Après, bon, bah, il a conduit et tout. Et Ah oui, t'es rentré, t'étais dans la voiture. Ouais, on était quatre dans la voiture. Ouais, c'est ça. Okay. Donc en fait, j'ai pas vraiment eu de temps seul. Et il y a eu quelques moments où j'ai eu des temps seuls, mais c'était... Ah oui, ça aussi, on a fumé parfois des clopes ensemble. Et il y avait des moments où je me mettais, par exemple, sur le rondin de bois. Ouais. Puisqu'on était à l'extérieur, c'est sur un gros arbre, tronc d'arbre mort. Et lui, il s'asseyait sur un rondin de bois en face. Alors que si t'as envie un peu de draguer, tu vas te mettre sur le rondin, vas t'asseoir sur le... C'est pas assis à côté de toi, quoi. Ouais, voilà, sur le tronc d'âme mort, non bon. En vrai. C'est mort, du coup. Est-ce que c'est une métaphore de... Bah ouais, c'est grave mort, enfin franchement... Et ensuite, là, j'ai envoyé des petits messages, il a tout de suite répondu, enfin il a tout de suite réagi en répondant, etc. Donc là, pour le... Mais il a pas poursuivi la conv. Et dernière chose... Toi-même, tu sais, on s'est écrit. En fait, les stagiaires nous ont fait des petites enveloppes où ils nous écrivaient des choses. Des petits mots trop choux. Voilà, trop choux. Et il m'a écrit un mot qui est naze. Enfin, je vais tu veux le lire, là les... Ouais, je vais vous le lire parce c'est vraiment en direct. Parce que moi, j'ai écrit un truc du style c'était trop chouette de faire ta rencontre, tu m'as fait beaucoup rire. Parce qu'il m'a vraiment fait rire pendant le stage. Vraiment, il était très drôle. Donc tu lui as dit quoi, t'as été cash. Ouais, et que j'avais bien aimé former avec lui et que, enfin voilà quoi, j'ai essayé de, et que j'aimerais bien le revoir, enfin ça me ferait plaisir de le revoir et tout. Et lui, vous savez ce qu'il a écrit? Gabriel, merci pour la bonne humeur et les rires pendant cette semaine de stage. Et après, mes blessures et mes faiblesses. Parce qu'en fait, ça, mes blessures et mes faiblesses, c'est un extrait de la chanson Tu trouveras de Natacha Saint-Pierre, sur laquelle on a eu un énorme délire pendant le stage. Mais c'est nul comme mot, on est d'accord? Fais voir. Ouais, ouais. Et en fait, c'est peut-être aussi ce que je te disais tout à l'heure. Peut-être il n'est pas écrit. Il n'est pas. Il ne passe pas par l'écrit. Oui, sauf qu'il n'est pas non plus passé par l'oral. C'est vrai. Il communique pas. Peut-être c'est quelqu'un qui communique pas bien, imagine. Le bon délire. Le bon délire. En même temps, le type est kiné, est abonné à l'OL. Ok. Il va voir les matchs de l'OL au Groupama Stadium. Personne n'est parfait. Donc en fait, je pense qu'effectivement, peut-être que la... Et puis il a 23 ans. Oui, oui, peut-être il palpe bien. Il palpe bien. Enfin, en termes de kiné, tu vois. Il palpe bien. Ah oui, non. Du verbe palper, genre il sait bien faire son métier. Ouais. Mais il va à l'OL, il a ses passions. Ouais. peut-être. Il n'est pas intéressé, peut-être. Bah non. Soit par les relations, soit il est en relation. Non, il a dit qu'il était célibataire. Ah, t'as cette info. Ouais. Donc. Mais en fait, il y a des moments, j'ai pas eu l'impression que je l'intéressais pas du tout. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah c'est ça qui est intéressant et chiant en même temps. Hein. Bien sûr. Oui, si vraiment t'avais eu juste du mépris et pas de regard du tout pendant toute la semaine. Je me suis pas dit qu'il était pas intéressé, mais en même temps, peut-être je suis un peu érotomane. Ça, je le tiens de ma copine Sandrine qui, elle, a décidé qu'elle était trop belle et qu'elle intéressait tous les mecs. Okay. Et franchement, legit, parce que Sandrine est vraiment très très belle. Et elle en a des choses à raconter, elle aussi. Elle en a tellement des choses. Elle a une année 2025 de cul qui est c'est drôle. Du début jusqu'à la fin exceptionnel. Moi, vraiment pas ouf. J'ai couché avec trois personnes. Non, deux personnes. Ouais, j'ai couché avec deux personnes en 2025. Je peux te... C'est pas pour t'interrompre, mais je prends un petit... Ouais, que c'est lourd. Ouais, je veux bien. Mais ce serait trop drôle à Sandrine dans le podcast. Ouais, grave. Dans l'émission. Sandrine dans l'émission. Let's go. Et voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu... Toi, à ton avis, quelle est ta... quel est ton diagnostic? Sur M? Ouais. Bah, M, tu sais pas grand-chose de lui, j'ai l'impression, déjà. Mm. Enfin, vous avez pas échangé. Vous avez vécu une semaine intense. En fait, on n'a pas beaucoup parlé de trucs mais, perso. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, je t'ai pas posé la question, mais c'est ce qui a l'air de ressortir. Vous n'êtes pas rapprochés... dans la discussion non plus, quoi. Bah, on a vécu des trucs intenses, bah, tu sais, les trucs où je t'ai parlé de la ouais, jeune qui avait parlé de ses problèmes et tout. Ouais. Il a un peu pleuré tout à l'heure, il était hyper ému à la fin du stage. J'étais en mode... Pour le départ? Ouais. Contexte de départ, on fait les au revoir aux gens après une semaine intense et tout. Et puis lui, il a été le confident principal de cette... parce que cette fille-là, en fait, elle fumait au coin fumeur, c'est pour ça qu'ils ont commencé à parler. Ah oui, donc il a parlé avec elle. Ouais. Donc, ouais. Voilà. Mais non, mais moi, mon seul diagnostic que je te disais tout à l'heure, hors antenne, c'est que là, c'est très tôt, tu vois. Donc, s'il n'y a pas eu une discussion de fou par message ce soir, c'est peut-être parce qu'il tapait un gros croc dans son tacos, qu'il allait dormir aussi, ou prendre sa douche ou tout ça, et que faut attendre. Moi, je suis pas d'accord. Quelques jours avec ça, dans la semaine, mais je sais que tu n'es pas d'accord. Genre moi si c'est pas maintenant bah c'est que tu plais pas à la personne, non? Ouais. Mais peut-être justement il a peur. Je dis ça sans dire que c'est ça qui se passe, mais c'est une possibilité de justement imagine tu lui as plu. Ouais. Ou bien il y a un petit truc qui a germé dans son esprit, genre, voilà, un minimum quoi. Il veut pas justement griller sa cartouche, son truc, son ouverture. Il veut pas écrire tout de suite parce que ça fait le mec qui écrit tout de suite. Il veut pas écrire tout naze. De suite. Bah, je sais que c'est naze, mais il veut attendre peut-être. Si ça ne se confirme pas, tu le sauras très vite. Ouais, bah en fait, je pense surtout. Demain, surtout, je sais ce qui va se passer, c'est que ça va pas se confirmer. Donc je vais, je vais juste arrêter parce que j'ai trop couru après les hommes dans ma vie. Okay. J'arrête de leur courir après. Bah let's go. Voilà. Laisser les relations. Clair, se développer, y compris les nouvelles potentielles relations. Ouais, parce que franchement, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, en fait. S'il y a un doute que je... Si je doute que je lui plais, c'est qu'il n'y a pas de doute, je ne lui plais pas. Ouais. Ou pas forcément que je ne lui plais pas, juste qu'il n'a pas envie, tu vois, il n'est pas dans cet état d'esprit-là, machin. C'est pas forcément que tu ne lui plais pas. C'est... Ouais. Mais bon, ça fait chier parce que... Il est où, le mec qui va tomber fou amoureux de moi? Ah là là, vraiment, on revient toujours sur le même sujet. Hein. En tout cas, moi, je reviens toujours sur les mêmes sujets. Je suis en boucle. C'est aussi les sujets dont on voulait parler. Là. Oui, c'est vrai. T'es bien, là? Là, ça va, là. Là, je suis bien. Ça, c'est cool. Le fait que j'ai vraiment un gros micro de radio devant moi. C'est pas du tout perturbant. Non, mais j'adore. En fait, j'écoute. J'aime beaucoup trop. En fait, le problème, c'est que j'aime beaucoup trop m'écouter parler, Grégoire. Est-ce que tu vas être du genre à réécouter tout l'épisode? Bien sûr. Est-ce que tu peux te dire, à la minute près, à combien de minutes d'enregistrement on est? Je pense qu'on est à au moins une heure. Je pense que t'as raison. Ouah, alors on est à 1h00. 40 secondes à peu près. Voilà. Ce qui correspondra peut-être pas à... Parce que je dois couper un peu une minute au début, là, mais... Mais bon, une heure, quoi. Une heure de bêtise. De bêtise. Mais tu... En fait... Non, c'est pas de la bêtise. C'est pas de la bêtise. Ouais. J'ai l'air sérieux quand je dis ça. Bon, il y a de la bêtise, quand même. C'est vrai que c'est de l'exploration. Moi, j'aime bien. Mais en fait, avec ma copine Pauline... Oui. Elle habite dans l'ouest, dans le sud-ouest de la France. Donc, loin. Dans le 3-3, on peut le dire. Dans le 3-3, elle habite clairement en Gironde. Pourquoi ? Je sais pas. Voilà. Il y a des personnes qui ont vraiment décidé des choses dans leur vie. Faut bien peupler ce coin de pays. Hein. Bout de la diagonale du vide, là. Bref. C'est vrai. Je suis extrêmement... En fait, je suis vraiment devenue une connasse de lyonnaise. Ok. Tu vois ? Moi, je vois. Les villes où il n'y a pas de métro, je comprends pas. Oui, tu vois pas l'intérêt, oui. Ouais. Bref. Ouais. Avec ma copine Pauline, on s'appelle souvent. Mm. En fait, on passe régulièrement au moins une heure et demie par semaine au téléphone. Au téléphone par semaine. Mais oui. En une fois. Ok. Ah ouais, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. J'ai pas réagi, mais waouh. Et il y a des moments... Quand... Vraiment, on s'est pas parlé depuis longtemps. On passe deux heures et demie au téléphone. Ah, et vous rattrapez, quoi. Ouais, on rattrape. Et on ne parle que... Enfin, une grosse partie, c'est les hommes. Vraiment, on ne passe pas le test de... Après, on parle pas vous que de pas ça. Vous passez pas le test de Begdel. Ouais, c'est ça. Okay, on parle pas que de ça non plus, oui, tu vois. Oui, oui, oui. Mais vraiment... On... Et donc mais, là, mais ça... à la fois sérieux et à la fois on... pas sérieux. À la fois sérieux et pas sérieux. Parce que j'imagine. Parce que déjà, Pauline, avec Pauline, on rigole beaucoup. Oui, voilà. Et vous êtes très drôle. Voilà. Ok. Et aussi parce que bah elle est hyper intelligente, hyper cultivée, donc en fait on bah un peu comme là où je te parle de Svetlana Alexievitch entre deux histoires, deux débâcles amoureuses, entre deux bruits de bouche, entre deux bruits de bouche, de cœur, de bouffe et d'histoire de cœur enrobée de chocolat et de cœur brisé. Oh joli. De débâcles amoureuses nazes. On a fait un petit 10 minutes sur Svetlana. Ouais. Alexievitch. C'est ça. Donc, Pauline les hommes. Pauline les hommes, voilà. Parler. Ouais. Sachant que c'est un gros sujet quand même. Gros sujet. C'est de Pauline que vient le screenshot de la conversation de, tu sais, de ma truc d'anniversaire. Ouais. Viens, on fait une PMA à Langon. Ah oui. C'est dans la conversation avec Pauline que j'ai écrit ça. Ouais. Et très drôle ce screenshot. Ouais. Surtout sans avoir le contexte, c'est... Oui. C'est pépite. Bah ouais. En fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'être mère. Ok. Mais que je crois que je pourrais être mère porteuse. Ah ouais, tu pourrais juste... Ouais, juste être enceinte. Procréer et... Ouais. Mais pas pour toi. Non, pas pour moi, parce que j'ai absolument pas envie d'avoir des enfants. Ok. Enfin, franchement... Mais tu ferais quand même ça ? Je crois que je pourrais. Parce que j'ai envie d'essayer la grossesse. T'as une curiosité. Ouais, quand même. Une curiosité. Après, peut-être que franchement, me faire déchirer l'utérus. C'est un peu ça, ouais. C'est peut-être pas fou, tu vois. Mais je sais pas, il y a un côté. Ouais, mais parce que j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Enfin, je pense pas. Tu veux des enfants, toi ? Oh, je sais pas. Ouais, c'est la dur. La vraie de réponse, savoir. C'est je sais pas. Il y a eu du oui, il y a eu du non. Ouais. Ouais, non, c'est dur. Hein. En fait, c'est, je pense que c'est le genre de question à laquelle on peut répondre différemment tous les deux ans, quoi. Oui, puis selon ta stabilité de vie, selon si t'es en couple ou pas. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est le gros sujet que t'as apporté, là, c'est drôle. Ouais. Vraiment. Mais ouais, voilà. Tu parlais de Pauline. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on disait avant, je sais plus. Mais qu'est-ce qu'on veut... Tu vois, qu'est-ce qu'on veut faire de ce podcast ? Parce que est-ce qu'il y a une personne différente à chaque épisode ? Est-ce qu'on revient ? Est-ce qu'on garde du crousti pour plus tard, bien sûr, parce qu'il y a du... Bah, il y a du crousti tout le temps. On est une source de crousti inépuisable. En vrai, je crois que ça me plairait bien de faire un podcast en plusieurs épisodes sur le stagiaire. Voilà, il faut faire une série, je pense, sur le... Il faut faire une série sur le stagiaire. Ouais. Mais c'est très difficile. Il faudrait que je parle avec un ou une scénariste. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Déjà, il y a la rencontre. Il y a la office romance, puisqu'on s'est rencontrés quand il était en stage et moi, j'étais en alternance. Ouais. C'était pas mon stagiaire, du coup. On précise aussi, toujours. toujours des gens plus jeunes, là. Il avait 3 ans de moins. Franchement, ça va. Franchement, ça pourrait être pire. C'est pas 20, 30, 23. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Oh, putain. J'ai envie de me buter. Je fais ça pour m'abattre. Et ensuite, non mais je suis vraiment devenue... Après moi, j'ai eu des relations avec des personnes qui étaient vraiment plus vieilles. Donc, je me dis à partir d'un certain âge... ça équilibre. Ouais, je suis pas tant une prédatrice. En plus, t'as vraiment utilisé ce mot prédatrice. Mais je trouve que ça fait prédatrice en fait avant. D'avoir 30 ans et de crusher sur un mec de 23, tu vois. Prédatrice. Mais attends, il est né dans 2002. Oui, c'est un autre siècle. Genre, j'avais 18 ans, il en avait 11. Ouais. Oui, mais c'est plus choquant, justement, à ces âges-là. Si tu dis 18-11, c'est beaucoup plus choquant que... Il y a 5 ans, il avait 18 ans, en fait. Ouais. Moi, il y a 5 ans, j'avais 25 ans. Ouais. 18-25 ans, c'est beaucoup. C'est juste que je trouve que prédatrice, ça fait... c'est le mot qui désigne des actes qu'on commence à poser, tu vois. Oui. Là, t'as crushé. C'est pas un acte en soi, c'est ton cerveau, le corps, enfin, de... Oui, mais j'ai quand même des signaux, quoi. Mis en place un peu des trucs. Ah, ouais. J'ai quand même testé, enfin, tu vois, j'ai envoyé quelques petits... Je suis allée un peu tâter le terrain. Tâter le terrain. J'ai littéralement tâté le terrain. Cette expression, elle est rarement bien, je trouve. Elle me fait un peu rire. Ouais. Tâter le terrain. Ça peut très vite être bizarre. Ouais. Mais non, ça va, je comprends. Franchement, t'as crushé, t'as tâté le terrain. Ça va. Oui, mais j'aurais pas dû. Ah ouais, tu te sens un peu... Je me sens... On parle quand même... Je suis quand même censée être féministe, ouais. Machin et tout, tu vois. Enfin, je veux dire, faire attention à l'écart d'âge dans les relations, c'est aussi... être strict sur l'écart d'âge dans les relations, c'est un moyen aussi de prévenir des violences avec des inégalités au sein de ces inhérentes à l'écart d'âge. Mais sans t'immuniser contre ça, est-ce que le fait que toi, t'es consciente justement de ça, là, t'es consciente que t'étais pas en responsabilité par rapport à lui? Oui, mais bien sûr. T'es consciente que t'as pas... tu l'as pas coincé... Enfin, tu l'as pas trop poussé, tu l'as pas trop provoqué... Est-ce que le fait d'avoir conscience de tout ça, ça te fait pas dire ça va, quoi? Non, tu dis quand même prédatrice, quoi. Bah, en fait, ce qui m'est mal à l'aise, c'est de me dire qu'il y a des stagiaires qui avaient 20 ans, par exemple, à la formation, et lui, il a que 3 ans d'écart avec eux. Et donc, il avait moins d'écart avec les stagiaires que ce que lui et moi, on avait d'écart. Oui, mais oui. Plus que la moitié, en fait. Mmh. Enfin, plus que le double, plutôt. Et donc je me dis, si je suis capable de crusher sur un mec de 23 ans, est-ce que je serais capable de crusher sur un mec de 20 ans? Et en fait, un mec de 20 ans, c'est vraiment très très jeune. Enfin, c'est encore l'enfance. Bien sûr, Enfin, c'est à peine la sortie de l'adolescence. Ouais. Et là, ça serait problématique. Tu vois. Et ok, le mec, il ressemble pas du tout à un mec de 23 ans. Enfin, genre, il est grand, il a beaucoup de barbe, il est assez enrobé. Enfin, tu vois, du coup... Il aurait pu avoir 26, 27 ans, facile. Enfin, okay, franchement, facile. Et puis, bah, comme je dis, il est kiné, il a déjà sa caisse, son appart, enfin, tu vois. Je pense que ça compte, hein, ça, tu vois, de se dire qu'il est installé dans sa vie... Tu vois, ça en fait, il y a une différence d'âge objective entre les gens, et il y a aussi une différence d'âge subjective, je trouve. Ouais. Et c'est surtout pas pour excuser quoi que ce soit, ou pour dire c'est bon, let's go, on s'en fout de la différence d'âge, mais en fait, parfois, il y a des gens qui ont le même âge et qui. Leur âge officiel, c'est le même, mais leur âge officieux, tu sais, il y a quelqu'un beaucoup moins mature que l'autre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ou bien des situations qui sont totalement disproportionnées, ou je sais pas, entre les deux, quoi. Ouais, donc non, c'est bien de prendre en compte tout ça, quoi. Mais le fait d'avoir la réflexion sur tout ça, trop bien. C'est tout à mon honneur. Dans tous les cas, c'est tout à ton honneur. Ouais. Ah, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. M. M. Tout ça parce qu'il avait le même sourire que A. Ouais. Tu l'as vu direct ? Non. Après, il n'y avait pas que ça. En fait, le mec est vraiment drôle. Okay, bon. Il a vraiment mis l'ambiance dans le stage et tout. Et puis sensible, et puis machin. Les ateliers qu'on a préparés ensemble étaient vraiment cool. Et juste, le mec était très drôle. Ça, c'est bien, ça. Et donc, il m'a fait rire. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Ouais. Et en plus, je suis très bon public. Ok. Et du coup, il me faisait rire et il appréciait me faire rire vu que je faisais, hyper bon public. Enfin... Et tu sais dire ou pas s'il a joué, enfin joué dans le bon sens, mais il a profité de ça? Genre, il y a des moments où il essayait vraiment de te faire rire, toi? Si, mais en fait, au fur et à mesure, on avait nos délires. Ok, ouais. Donc, il y avait ça. Et puis après, juste le stage, il l'a sorti tout seul. Enfin, okay. Tu vois, je veux dire, il tentait pas forcément de me faire rire. Il disait ou il faisait des choses parce qu'il voulait faire rire, parce que lui, ça le faisait rire, parce qu'il avait envie de faire ça. Il le faisait pas forcément pour amuser la galerie, tu vois. Il le faisait parce que c'est sa personnalité. Et c'est ça que j'aimais assez bien, finalement. Je pense que c'est un mec qui a plutôt confiance en lui. Ouais, pas grand-chose à prouver. Bah, en fait, le mec, il a quand même fait... Enfin, tu sais, il est kiné. Il a 23 ans. Enfin, ouais, tu vois, il avait déjà travaillé avant en tant que... Je pense qu'il a dû être... Il y a moyen qu'il ait été diplômé quand il avait... Parce que kiné, c'est 4 ans plus la PACES. Donc, tu vois, il a dû être diplômé là, en septembre, en fait. Ce qui est quand même Ah oui. Assez récent. Enfin, je pense, je sais pas trop. Mais... Oui, il doit être jeune dans son métier, mais n'empêche que... Et tu vois, il a fait PACES. Enfin, tu vois, il faut quand même avoir des capacités intellectuelles de concentration et tout pour faire PACES. Oui. T'as pris la première année de médecine. Ouais, bah ouais, faut tenir, tu vois. Et du coup, ouais, je... Ça se voit que le mec, il a confiance en lui, en ses capacités, mais en même temps, il n'est pas prétentieux. Il se remet en question, il fait les trucs, il a l'écoute et tout ça. Mais du coup, bah, en fait, ça en fait un mec bien. Ça, c'est bien, ça. Je pense qu'il y avait des moments où il tentait de me faire rire, quand même. Ouais. Mais parce qu'il savait que j'allais rire. Bah oui, ça fait, puis ça, en général, dans la vie, ça fait plaisir de faire rire les autres. Ouais. Enfin, voilà. Donc, Ok. Mais donc, le stagiaire, faut en faire une série, quoi. Ouais, le stagiaire, faut en faire une série. Parce qu'il y a, du coup, la rencontre avec la Office Romance. Ah, voilà, c'est ça. Tu nous faisais l'historique, ouais. La rencontre. Ensuite, il y a la perte totale de la tête en 2022, où je tente de rompre avec lui une première fois. Enfin, d'arrêter la relation une première fois. Puis ensuite, il y a la relation épistolaire qui commence en avril 2023. Mmh. Grand, grand moment aussi. Les grands moments de la relation épistolaire, c'est avril-août 2023 à peu près. Ok. Avec un moment où on se voit en juillet 2023, où on ne fait, sur un week-end, on ne fait que du cul. Le week-end complet. On ne fait que ça. Et voilà. Et puis, en 2023... en août, où il se rend compte qu'il va bientôt terminer son master, ses études, et il ne sait pas trop ce qu'il va faire derrière, et donc ça le stresse, donc il a besoin de se rassurer. Et une des raisons pour lesquelles, une des façons qu'il trouve pour se rassurer, c'est un peu de m'utiliser comme stabilisateur émotionnel. Waouh! Et donc il me dit qu'il aimerait bien partager un bout de son présent avec moi, machin, nanana, et tout. Et il m'invite à son anniversaire, tout ça, machin. Et en fait, il veut se lancer dans... Il me fait un peu miroiter une certaine forme de relation. Et, sauf qu'après, il part lutter pour un truc écolo. Et il me fait bien comprendre qu'il n'a pas envie, quoi. Ok. Donc là, Et donc là, je lui mets un peu un ultimatum. Il se défile un peu. Donc je lui dis, j'arrête. Et ça, c'est en... Et après, en décembre 2023, il m'envoie un mail naze où il me dit que... Enfin, en gros, il avait dit qu'il aimerait bien me revoir pour un café ou un truc comme ça. Et je lui avais dit, ok, mais ça sera avant le 20 ou le 21 décembre parce que après, moi, je pars en Normandie pour voir mes parents. Enfin, je pars en Normandie pour Noël. Et en fait, le mec m'envoie un message et en gros, son mail, c'est un peu du style... je viendrai pas parce que j'ai un peu autre chose à faire, quoi. Enfin, je pourrais venir, mais j'ai un peu la flemme. Parce qu'il y a des choses plus importantes. Ça a le mérite d'être clair. Ouais. Et je vous lirai des extraits, en vrai. Je pourrais grave lire des extraits des mails. Ça serait drôle que, oui. Je les ai grave... Il faut des extraits de messages ou de mails. Ah, mais grave. Je les ai grave imprimés. Et du coup, je m'effondre. Grégoire, vraiment, j'étais au bout du bout de ma vie. Le décembre 2023. Ouais. Mois de merde, année de merde, vie de merde. Voilà. Et donc, 2024, ça commence pas bien. En plus, avec OTAF, ça n'allait pas et tout. Franchement, j'étais en ramage total. Les petites lueurs de soleil, quand même, dans cette histoire, c'était quand même Magdala. Du coup, l'assaut dont Grégoire et moi on fait partie. Tout à fait. C'était aussi que j'allais commencer la formation. avec les scouts. Et puis... Tu as commencé en 2024. Ouais, j'ai en avril 2024. Et okay. Mince, le dernier... Ah oui, et c'était elle, du coup, mon amant elle. Elle, ok, oui, oui. Que je voyais voilà, de plus en plus souvent, etc. Et, ça, c'est bien, je le kiffe. Je le connais pas, mais je le kiffe. Avec qui ça se passait très bien. Et puis, on parlait pas forcément de... On parlait pas de ça, enfin, on parlait pas de... Non, juste, on... C'est con, mais en fait, on se faisait des balades, on allait au ciné, j'allais manger chez lui, on a fait une manif un jour. Enfin, tu vois, en fait, on faisait des trucs... Et moi, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de toucher quelqu'un, d'embrasser quelqu'un, d'être dans une proximité amoureuse et amantielle avec quelqu'un sans... Ouais, j'ai jamais entendu le mot, mais très bien. Enfin, tu vois, ce truc je vois. Relationnel, en fait. Dans une relation, enfin, dans une intimité. Et donc, voilà. Donc, c'était très cool. Parce que, il y avait quand même des gros points noirs et des gros orages. Le taf, où ça se passait pas bien. Le stagiaire. Ophélie aussi. Ah oui. Où elle me reprochait tout le temps que j'étais pas assez présente, pas assez à l'écoute et tout. Tu nommes ? Tu dis le prénom en entier ? Ouais. Ouais. Voilà. De toute façon, elle ne le saura pas. Mais qui va écouter ça? Quelques personnes. C'est ça. Privilégiées. Surtout, écouter 2 heures de podcast de nous qui racontons nos vies. Enfin, moi qui raconte ma vie. Il faut vraiment être proche de nous, je pense. Ouais, voilà. En particulier de toi, quoi. Ouais. Je pense, pour écouter. Après, je sais que ma vie est tout à fait fascinante, mais... Quand il y aura la série sur le stagiaire qui sera adaptée... Ouais. Par OCS... Ça serait bien, ça. Ah, ça serait bien. C'est marrant, tu dis ça. Tu dis pas, mais jamais de la vie ça arrive. Tu dis, ce serait bien. Ouais. Étudions le concept. Oui, mais oui. En fait, je pense que oui, mais parce que y a moyen d'en faire un truc cool, tu vois. Mais oui, parce qu'au-delà de tout ce que tu racontes, cette histoire, elle se raconte plus largement à plein de gens. Ça veut dire plein de trucs, quoi. Non, mais bien sûr. C'est à la fois hyper classique de notre époque. Mais bien sûr. Et en même temps, ça a poussé le truc tellement loin. Et la façon dont tu le racontes, et ça c'est moi qui le dis, à ton entourage est trop drôle. Ah ouais? Et c'est croustillant, tu vois. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. C'est horrible, la satisfaction. En plus, il s'est passé tellement de choses. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu un moment où j'ai retrouvé une copine, où j'avais imprimé tous les mails. Ça, c'était en août 2023. J'ai des photos. On est en terrasse d'un bar avec des mojitos. Elle fume des clopes en train de lire les mails que j'ai imprimés et tout. Et après, on se bourre la gueule et on décide d'appeler un autre copain. Et donc, on est tout. Enfin, bref, ça n'a aucun sens. C'est très bien, c'est très bien. Ça se raconte. Ça se raconte. Ça se raconte, ouais. Oui, parce que du coup, après... Donc, 2024. Voilà. Compliqué. 2024, mais compliqué. Mais quelques lueurs de soleil. Voilà. Lueurs de soleil. Sauf que, en fait, j'avais rencontré ses parents à son anniversaire en septembre 2023. Oh. Et sa mère, elle travaillait là où je travaillais. Oh, d'accord. Ah ouais. Et je la croisais à la cantine. Ok. Ah ouais. Et une fois, c'était genre en février, j'étais à la cantine, seule, parce que je m'étais dit, j'en avais marre de manger avec les autres à la cantine, j'avais envie de manger seule. Donc j'ai commencé à aller seule à la cantine. Et j'étais en train de regarder un épisode de À l'air libre, sur l'affaire de Pardieu et tout. De Mediapart, ok. Voilà, de Mediapart, dans le Me Too du cinéma français. Ouais, ouais. Et là, il y a sa daronne qui vient vers moi, qui me dit bonjour et tout. Et qui me demande si j'ai des nouvelles de l'artiste. Et du coup, je fais l'artiste. L'artiste ? Et elle fait oui, bah mon fils, ou je sais pas quoi. Ah, wow, genre, ah oui, putain, l'artiste, ouais. Et l'artiste du chaos ? Ouais, non, mais vraiment quoi. Voulez-vous dire ? Et du coup, je lui dis ah non, bah j'ai plus. Parce que j'avais jamais répondu à son mail de merde de décembre. Et en plus, il m'avait envoyé ce mail naze. Naze, à tel point que à ce moment-là, j'étais en déplacement professionnel, j'étais en train d'écouter une conférence, j'ai dû sortir de la salle et j'ai trouvé une salle de réunion de l'hôtel de métropole de Lille, de Eurométropole Lille, non, l'Eurométropole de Lille, bref, vous avez compris, j'ai ouvert la porte, j'ai fermé la porte et je me suis effondrée, genre, c'était cinématographique, mais c'était cinématographiquement pathétique. Oui, je ris mais je pleure en même temps. Pathétique, Grégoire. Vraiment, j'étais là au téléphone avec Ophélie parce que franchement, elle a quand même été trop compliquée cette relation avec Ophélie. En vrai, un truc sur la rupture amicale. Mais ça a déjà été fait. Oui, bien sûr, mais. Voilà. Comme on disait, ça a déjà été fait de. De partout. Dire de la merde sur un canapé aussi. Oui, aussi. Et je m'effondre en larmes et vraiment, je glisse. Mes jambes se dérobent sous moi et je glisse contre la porte. Oh, wow. pathétique, mais pathétique. Là, là, faut quand même se rendre compte de l'ampleur de la destruction que ce type a causée. Ça, c'est dur, ça. Ce à quoi il m'a réduit. Fondre en larmes et m'effondrer avant mes jambes qui se dérobent sous moi le long d'une porte dans une salle de réunion du rez-de-chaussée de l'hôtel de l'Eurométropole de Lille. Terrible. Tu vois, je me dis, à la fois, tu vas en, là, t'en parles, et puis on va en parler beaucoup. Et ah, tu vois, s'il tombe dessus, machin, il tombera pas dessus, mais à quel point en parler beaucoup, il faut un peu le respecter. Puis en fait, quand tu me racontes les trucs trop durs, là, je me dis, ah bah non, en fait, ça, il faut raconter, c'est normal. C'est un bâtard complet, quoi. Ah, et bâtard complet, tu sais, c'est un truc de pain aussi. Oui, c'est ça. Je t'avais envoyé le truc de bâtard complet que j'avais pris en photo il y a des années. Mais ça existe, mais à chaque fois, ça me fait mourir. Oui, en fait c'est juste complet. Que ça existe en boulangerie quand je tombe sur bâtard complet. Mais ouais, non, drôle. Mais c'est très juste bâtard, déjà, ça me fait rire, mais bâtard complet, c'est particulièrement... Bâtard complet, ouais. Bâtard complet. Vraiment. Ils l'ont vraiment bien réussi. De ouf. Ah, mais vraiment. Le stagiaire bâtard complet, point d'interrogation. C'est le titre de l'épisode 4. C'est quand même c'est un peu le OG sale type, quand même. Ok. C'est vrai que si je devais... En fait, c'est ça le problème, c'est que si je devais le raconter, parce qu'après, il y a ça. Et donc après, je vois sa daronne en février, qui me demande. Et je lui dis, ah non, j'ai pas de nouvelles. Et c'est vrai, j'avais pas de nouvelles, parce qu'il y avait eu ce mail de merde en décembre. C'était le 30 novembre, mais je l'ai eu le 1er décembre. Et ensuite... Rapproche-toi un peu le micro. Fin décembre. Et ensuite, fin décembre, c'est mieux là, comme ça. Il m'avait envoyé un message en mode coucou, je passe à Lyon. En gros, il revenait à 21h à Lyon et il repartait à 10h du matin le lendemain matin. Il proposait de se voir entre 21h et 10h, enfin après 21h ou avant 10h. Mmh. Autant te dire. Enfin, là, c'est même pas. Enfin, c'est une fourchette à huîtres le truc. Enfin, c'est pas des vrais horaires. Au mois de décembre, 21h, c'est le. 21h au mois de décembre, ils minuit 30. Enfin, ouais. 21h en été. C'est 18h30. Fourchette à huîtres. Mais 21h en hiver, c'est minuit. Oui, non, effectivement, ouais. Même 17h en hiver, c'est minuit. Mais bien sûr. Et du coup, j'avais pas répondu, en fait. Je chialais, hein. J'ai chialé, mais toutes les larmes de mon corps. Waouh. Même à Noël, le vent au Havre, là, chez mes darons, j'étais là dans ma chambre d'enfant. Et j'étais à pleurer, là. Ouais. Ah non, mais j'ai pleuré vraiment. T'as hein. pleuré quelques litres. Ah ouais. Avec lui. Ah, mais il m'a fait. Enfin, à cause de lui. À cause, ouais. Et en fait, donc là, en février, je vois sa daronne, donc je dis que j'ai pas de nouvelles. Et c'était vrai, j'avais pas de nouvelles. Et après. Et en fait, j'ai fait une crise d'angoisse, j'arrivais plus à manger, donc je suis partie, j'arrivais plus à écouter. J'ai appelé ma copine Gru, et j'ai pleuré au téléphone. Et voilà, et après, je suis passée là où il faisait de la militance, mais je ne l'ai pas vue. Mmh. Et puis ensuite, j'ai revu sa mère en mai. Et elle a rediscuté avec moi. Ok, la mère de l'artiste. La mère de l'artiste. C'était lunaire, genre vraiment, j'étais en train de remplir ma cruche à la cantine, genre là où tu remplis les cruches, et t'as elle qui vient me dire bonjour. Enfin, c'est... Franchement, t'es là et tu peux même pas manger en paix. Et en même temps, c'est horrible ce que je vais dire, mais j'étais un peu contente qu'elle vienne me parler parce que ça entretenait le lien, tu vois ou pas? Ah oui, ça faisait un peu ce truc. Un lien un peu lointain, malsain, bizarre. Exactement, j'ai compté pour lui. Ouais. J'ai compté suffisamment pour rencontrer ses parents, tu vois ou pas? Bah carrément. T'as quelqu'un qui est proche de lui, enfin c'est pas proche de lui, c'est sa mère quoi. Ouais. Qui te. Et puis elle était sincèrement intéressée par toi, enfin intéressée gentille. Elle était pas intéressée par moi, elle voulait juste me parler parce qu'elle m'avait identifiée comme une amie de son fils et qu'elle connaissait rien de la vie de son fils en fait. Ah oui d'accord, t'étais une amie de son fils, oui d'accord. Okay. Ah oui, non mais c'est ça en fait. Oui, enfin, il faudra raconter aussi dans les épisodes, les trucs, le lien officiel que vous avez. Oui, enfin, après ils savent très bien qu'on couche ensemble. Hein. Oui, non mais bien sûr, mais qui sait quoi de votre relation, et plutôt lui, le lien qu'il n'a pas avec ton entourage. Ah oui. Tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est à quel point cette relation, elle est cloisonnée. Tout mon entourage le déteste. Tout le monde le déteste. Si un jour tu entends ça, le stagiaire, tout le monde, tous mes potes te détestent. Vas-y, voilà. Grégoire, à toi. Non, mais c'est ça. T'as résumé ce que je voulais dire, mais j'osais pas, tu vois. Bah, vas-y, tu dis. Bah, mais c'est ça. Mais j'aime bien l'entourage. Je pense c'est cloisonné. Genre là, oui, on est vraiment sur un truc de podcast relationnel. Ouais, ouais, vraiment, c'est ça, mais c'est fou. Et déjà, le fait que ce soit le stagiaire. Ouais. C'est pas comme si tout le monde connaissait. Après, je dis le stagiaire aussi pour respecter son intimité. Et ça, c'est très bien, je pense. Parce ouais, que sinon, et sa vie privée. Parce la qu'en fait, charge serait lourde contre lui. Ouais. Non, mais c'est surtout. Ouais, de ouf. Enfin, ce serait un élément quand même. Mais c'est surtout parce qu'il est quand même. Militant un peu beaucoup. Et. Oui, donc aussi pour pas le retrouver, ouais, voilà, l'identifier, machin. Enfin... Parce que je donne déjà beaucoup d'infos. Enfin, oui, c'est ça. Même moi, tu vois, j'ai pas envie de savoir qui c'est vraiment, oui. Tu vois. C'est plus intéressant de pas savoir. Ouais, d'avoir grave. Juste le stagiaire et voilà quoi. Mais tous mes potes sont pas intéressés par son prénom ni par lui. C'est ça qui est assez fou. Ah ouais, bah tu vois, c'est marrant. Et en fait, c'est ça qui me fait rire, c'est que le type. Il s'intéresse pas aux gens, ouais. Vraiment. Donc il va pas vraiment poser de questions, il va pas okay. Faire un taf de. En fait, il s'estime supérieur au taf, au travail émotionnel, à la charge émotionnelle, à la charge de travail émotionnel qui sera de s'intéresser à la personne et d'avoir cette partie pas toujours agréable de small talk. Ah ouais, d'accord. Où tu vas demander à la personne où est-ce qu'elle habite, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qui est pas toujours intéressant parce qu'en fait, si la personne, elle te dit je suis ingénieur informaticien, c'est chiant, tu vois. Oui. Mais parfois, elle peut dire ah bah je fais ceci et en fait, une chose en entraînant une autre, tu vas bien sûr. Et lui, il va pas faire ça. Ah ouais. Ouais et ouais. Du coup, bah, parce que ça l'intéresse pas, parce qu'il veut pas faire ça, parce que machin. Et donc, il y a cette partie-là et il y a l'autre partie où. Il m'a reproché là en septembre, enfin ça fait plusieurs fois qu'il me le reproche, hein, que mes amis ne l'aiment pas, qu'il le sait parce que je lui ai déjà dit, que mes amis ne l'approuvent pas, que machin, nanana, etc. Et en fait, merde, je sais plus où j'allais avec ça. Bah, on parlait de l'entourage, de à quel point il est. C'est quoi sa répute, tu ouais. Vois c'est quoi sa réputation Mais c'est surtout qu'en fait. Le type va pas faire l'effort de poser les questions à mes amis, mais derrière, ça l'embête si il est pas apprécié. Mais en fait, c'est à lui de faire le taf pour être ouais, apprécié, ouais. Tu vois. Je sais pas si c'est très clair. Bah, en tout cas, il faudra qu'on parle de ça, quoi. Ouais. Parce que je trouve ça trop intéressant, en vrai. Mais au-delà oui. De lui qui a l'air d'être... Parce que nous, on a les retours par toi. Donc oui, pour nous, c'est une personne chiante ouais. Pour toi. Oui, non, au-delà c'est... de ça, c'est intéressant ouais. Le thème. Quoi, tu vois. Mais c'est, en fait, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, pour un mec qui, soi-disant, n'est pas intéressé par les conventions sociales de machin, de nanani, etc., ça semble lui importer énormément le fait que des gens qu'il ne connaît pas ne l'apprécient pas. Ah oui, d'accord. Il est faussement détaché, quoi. Ouais. Et en fait, moi, ça m'énerve. Ouais, parce ouais. Que dans ce cas-là, fais le taf pour qu'on t'apprécie. Mais si tu veux pas faire le taf pour qu'on t'apprécie et qu'on t'apprécie pas, ne viens pas te plaindre derrière qu'on te l'apprécie ouais, pas. Ouais, okay. Soit t'acceptes et c'est ok. Et dans ce cas-là, c'est honnête et c'est transparent et c'est hyper cohérent avec toi-même. Mais ne fais pas poser tes incohérences et tes insécurités sur encore une fois une meuf, tu vois. Ouais, ok. Et j'ai pas à faire son taf de stabilisation émotionnelle. Mm. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il bah, a... C'est... Brise du ston. J'ai fait des guillemets avec les mains. Oui, il faut le dire. Voilà. Parce que, en fait, je ne voulais plus faire ce travail de stabilisation émotionnelle au prix de ma propre stabilité émotionnelle. Mm. Les pleurs, tout ça, les crises d'angoisse, on les connaît, quoi. Ça reste en 2025, bébé. On redit, ouais. Et du coup, ça lui a pas plu. Voilà. À vous les micros, Grégoire, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. J'ai hâte d'avoir le récit complet. Ouais, de ouf. Il faudra ressortir des messages. Ouais. Des... Oui, des messages, c'est bien. Moi, j'ai des mails, j'ai des messages, j'ai des screenshots, j'ai des pages. Des messages des pages. Aussi d'amis, de réactions de tes amis. Mais ça... Si t'arrives, mais c'est le truc à sélectionner un peu avant, tu vois. Ouais. Ah non, parce qu'on a dit qu'on travaillait pas du tout pour le podcast. Bon. Ouais, mais ça en vrai, ça peut se jouer. En vrai, ça peut, ouais. Non, mais en tout cas, je trouve qu'on a fait un bon... Ouais. Un bon épisode zéro. Ouais. Tu le sens, le glissement vers la fin du... Ouais, là, je pense qu'il Est-ce faut... Est-ce que t'as un truc à rajouter, à raconter ou quoi. C'est pas juste 30 secondes, on peut repartir quelques minutes, hein, mais on n'est pas à 10 minutes près. Hein. Bah, j'aimerais bien quand même finir le truc sur le stagiaire, parce que genre, je me suis arrêtée à février 2024. La chronologie pour qu'on ait un peu le teasing pour la série. Quoi. C'est ça. Et après, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en mai 2024, j'ai mangé avec sa mère à la cantine. Oh. Ouais, elle m'a prise en otage, littéralement. Et elle m'a dit, en fait, j'étais à la cantine, j'allais manger à la toute fin du service, donc il n'y avait pas grand monde. Et j'entends derrière moi, « Ah, mais bonjour !» Sueur froide. Je me retourne, qui c'est ? C'est la grande daronne. Très gentil, hein, au demeurant. Ce que tu viens de dire, la scène, je la vois vraiment animée, tu sais, vraiment dessinée, enfin, en version animée. Avec vraiment des trucs, des cris, des dessins, vraiment beaucoup de couleurs, un truc un peu horreur, mais horreur tranquille, tu vois, grand public. La grosse goutte, la grosse goutte, bien sûr. Ouais, de ouf. Ah non, mais c'était exactement ça. Et elle me dit, oh, mais dis donc, on se croise tout le temps en ce moment, parce qu'on s'était beaucoup croisés. Oui. Et elle me dit, on se croise tout le temps en ce moment, on déjeune ensemble. Parce qu'elle aussi, elle était seule. Et moi, bah, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire des conventions sociales. Ouais. Je suis trop dans la norme pour ça. Okay. Et donc, bah, je dis, ah mais bien sûr, avec plaisir. En vrai, de vrai, de vrai, mon amour du potin et vivre pour le plot. Évidemment que ça te pousse à te mettre dans des situations compliquées. Compliquées, mais parce que tu sais que tu vas faire quoi ? Raconter. Après. Mais bien sûr, je vis pour raconter. Je comprends. Comme a dit un de mes meilleurs amis Richie, je me suis sentie vivre. Je comprends tout à fait. Enfin voilà. Et donc on discute. Et en fait, déjà, hilarant. Parce que la meuf ne se souvenait même pas de mon prénom. Donc on s'assoit. Ah oui, vraiment. Et elle me dit, en fait, c'est quoi ton prénom déjà ? Et donc déjà, et moi, mais j'ai trouvé ça, mais franchement là, j'étais au-delà du pathétique. Je pense que c'était devenu tellement ridicule. J'étais tellement engoncée dans un ridicule. En fait, j'étais arrivée au tréfonds. J'avais touché le fond de ce que je pouvais atteindre en termes de ridicule et de pathétique par rapport à ce type. Il y a une forme d'honnêteté. Ah mais bien sûr. Dans elle qui dit, je me souviens plus de ton prénom. Ah mais oui. Et donc, mais c'est pathétique. C'est ça. Et je lui dis mon prénom. Et je lui dis, ah bah je m'appelle Gabrielle. Ou juste Gabrielle. Tu sais, quelle ne fut pas sa réponse ? Je peux guess. Vas-y. Ah oui, mais c'est vrai, Gabriel, mais bien sûr, oh là là, comment j'ai pu oublier ? Il y a ça comme proposition ? Non. Sinon, il y a... Ah oui, Gabriel, comme telle autre personne, comme ma fille. T'es pas loin, non, heureusement, non, ça s'appelle pas Gabriel. Comme la copine de mon fils. Elle a qu'un fils. Oui, ok. Ou bien comme telle Gabriel connue. Eh bah, ben, un peu ça. Elle te cite une Gabriel. Ah, ou de l'entreprise où vous travaillez ? Non. Non. Non, je sais pas, pire. Vas-y. Elle me dit, ah, Gabriel, c'est un très joli prénom. Ah, bon, ouais, okay. Jusque-là, bon. Classique, les gens aiment bien ce prénom. Difficile de dire le contraire à quelqu'un. Difficile de dire le contraire. Je trouve que c'est un trop moche prénom. Non, mais souvent, si les gens trouvent ton prénom moche, ils vont rien dire. Mais s'ils trouvent que c'est un joli prénom, ils te le disent, ah, j'aime beaucoup ce prénom. C'est très small talk de dire ça, je trouve. Mais c'est la deuxième, donc. Donc, très joli prénom. Ah, Gabriel, très joli prénom ou quel joli prénom ? Ouais. Point d'exclamation. Tes parents sont fans de Johnny ? Oh là là ! Point d'interrogation. Ok. Chaud. Et du coup, j'étais en mode non. Oh. Non, mes parents ne sont pas fans de Johnny Hallyday. Pour la chanson Gabriel de Johnny Hallyday. On précise. On précise. Super chanson, on en mange, je l'adore. Mais voilà, et donc, bref, me voilà à écouter une grande daronne inquiète pour son fils de 25 ans. Parce qu'il a décidé d'aller jouer les hommes dans la forêt, là. Ouais. Et c'est tout, quoi. Chaud. Bref, haut et bas émotionnel. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le même temps, j'arrivais pas à oublier ce type. Il faut le dire. Ça faisait 6 mois que j'étais kéblo sur le même gadjo, tu vois. Et donc, je me suis dit, il faut que je... Machin. Et comme elle m'avait dit... Parce que la Big Brain, elle m'avait dit qu'il avait perdu tout son matos, son téléphone, son ordi, machin et tout. Je me suis dit, il va plus avoir accès à la boîte mail naze qu'il avait créée pour qu'on s'échange des trucs épistolaires. Donc, il y avait une boîte mail dédiée ? Ouais. Ah, ça faudrait que tu racontes. Enfin, il m'avait dit qu'il avait une boîte mail dédiée, tu vois. D'accord. Et en fait, j'ai commencé à lui écrire des mails. Ok. Et ça m'a fait du bien de ouf. J'en ai écrit un, puis j'ai pas eu de réponse, donc j'en ai écrit un deuxième, et puis j'ai pas eu de réponse. Et genre le troisième et le quatrième mail, mais c'était le dernier mail, c'était vraiment moi qui raconte mon week-end à Noirmoutier où je suis rentrée les cheveux pleins de sable et de sel. Enfin vraiment, d'accord. On est vraiment sur ce genre de truc, une sorte de un peu de mi-journal intime, mi-j'écris des lettres à une personne morte décédée pour faire mon deuil, tu vois ou pas? Oui, d'écrire sans avoir de réponse derrière, ouais, voilà. Juste d'exprimer quoi. C'est ça. Et en juin, eh ben je reçois une réponse. Et du coup, on se revoit. Voilà. Et puis après, on se revoit, machin. Et en octobre 24, il revient dans la région où j'habite. Après avoir fini de jouer les hommes forêts, là. Mmh. Et pareil, il a de nouveau besoin d'une stabilisation émotionnelle parce qu'il n'a plus rien dans sa vie, en fait. Sa lutte, là où il luttait, ça se finit. Ouais. Il revient vivre chez ses darons parce qu'il n'a pas vraiment d'autre endroit à aller où aller. Et qui il y a dans la ville où il y a ces darons? Bah moi. Mmh. Et donc du coup il fait ça, tu vois. Donc c'est parti quoi. Et c'est parti. Okay. Et en plus à ce moment-là moi je suis au chômage. Et donc le road trip en Italie, naze. Ouais, ouais. Après le mois de janvier où je m'éloigne et lui il commence à craquer. On me dit t'es méchant avec moi là. Puis son gros soutien émotionnel en avril et le fait qu'il m'apprend à conduire. Et après on se voit très peu. Enfin en juin. Le repas naze avec la pote, où là je lui dis un peu ses gars de vérité, et où il le prend mal, et puis du coup après, on se voit en septembre, et là il me redit que je suis méchante avec lui. Voilà la chronologie. Ouin. Ok. Et en fait, ouais, c'est vraiment ce truc de stabilisateur. En fait, à partir du moment où j'ai identifié ce truc de stabilisateur émotionnel, ça m'a vachement libérée d'un truc. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que déjà, moi j'étais en train. J'avais pas besoin de lui pour me sentir aimée et admirable et comme si je valais quelque chose, puisque j'ai mes amis pour ça. Et que j'ai des amis exceptionnels. C'est vrai. Ouais. Franchement, t'as rien d'autre à dire. J'ai cherché un truc drôle et intelligent à dire, mais non. Non, c'est vrai, t'as des amis exceptionnels. Allez. Enfin, j'ai des amis exceptionnels. Oui, moi aussi. Tu es mon ami exceptionnel. Et où en fait j'avais décidé d'arrêter de me faire souffrir. Mais oui, t'as identifié le mécanisme. Sauf qu'il a fallu 3 ans, quoi. Ouais. Mais il y a des gens qui mettent 30 ans à identifier ça. C'est vrai. Et je dis ça 0% pour minimiser, tu vois. Ouais, mais ouais, c'est intéressant de voir à quelle vitesse tu captes un truc dans une relation, quoi. Du coup, toi, t'auras mis 3 ans, mais. Puis c'est pas fini. C'est pas terminé. Voilà, hein, c'est compliqué et tout, mais. Moi, j'ai hâte d'avoir le récit un peu. J'essaierai de travailler un peu le truc, ouais. Ouais, ouais. C'est juste dommage qu'on pourra pas. Enfin, les gens verront pas à la radio quand on imitera l'emoji main. C'est vrai. Ouais, il faudra le décrire. Hein. Ou bien ce sera juste dans le texte du titre de l'épisode. Ah ouais. Il y en aura un, il y aura forcément l'emoji main écarté. Hein. Un bâtard complet, point d'interrogation, emoji main. Un bâtard complet, EY, E2Y. Un bâtard parce complet, que... donc... 2K15. Oh putain. 2K19. Oh là là. Ou 2K20, 2K22, 2K23, 2K24, 2K25. Tu sais, je fais des mains là. En fait, ce qui se passe, c'est que le type, il a commencé à m'envoyer des messages là. Les quelques messages qu'on s'est envoyés ces derniers mois, il utilisait un emoji main, mais moche, pas l'emoji les deux mains comme ça, non, un peu éloigné, un donc peu c'est écarté. Donc ouais, c'est pas les deux mains en mode shout out. Ouais, voilà, c'est pas, ça. Ouais, la gloire et tout, bravo et tout. C'est pas le applause, bien sûr, c'est les mains ouvertes. Ouais, moche. Mais vraiment penché à 45 degrés. Avec les tout petits doigts dégueux, là. Ouais, ouais, elles sont bizarres, ça. Ça fait un peu coucou, comme ça. C'est un coucou malsain. Ouais, très laid. Coucou. Et... deuxième chose, c'est que là, cette semaine, il m'a proposé qu'on se voit et tout. Oui, parce qu'en plus, on est passé de... en septembre, il n'avait pas voulu venir chez moi alors qu'il avait une réunion à littéralement 2 minutes 30 à pied de chez moi en comptant les temps d'attente aux piétons, aux feux rouges et sachant qu'il y a deux piétons, enfin, il y a deux passages piétons, à me proposer à faire un aller-retour dans la ville où j'ai déménagé, où maintenant je suis à 1h30. Le type, il a vraiment besoin de stabilisation émotionnelle, hein. C'est une option, ouais. Bref, et là maintenant, il utilise EY. Genre, stylé, il y dit EY. Et donc ça fait stylé. Ouais. C'est ridicule. Il écrit Poseille. Il n'a pas écrit Poseille. Ouais, parce que ça, c'est vraiment un marqueur de ouais, l'époque. Mais Stileille, 2Y, c'est déjà. Ouais, 2Y. Ouais, il me l'a refait là. Il y a 2Y, ok. Y a un... Là, je peux pas parce que mon téléphone, il est cassé. Et du coup. Oui, non, mais. Voilà, parce que mon téléphone cassé, ça peut aussi être le sujet d'un télé. Ça pourrait être le thème d'un épisode. Le thème d'un épisode. Parce que j'ai des choses à dire là-dessus, moi aussi. Ouais, toi aussi, t'as des choses à dire. Et 2K18, moi. Ouais, mon téléphone. 2K18. Tu te rends compte, ton téléphone, il a 8 ans. Enfin, ouais. Bientôt 8 ans. J'espère qu'il aura 10 ans un jour. Oh, 10 ans. Mais franchement, tu sais quoi ? Je ferai une fête. Tu ferais une fête pour les 10 ans de ton téléphone. Mais je pense que c'est important de faire une fête. Je crois que c'est en avril, ouais, un truc. Avril 2018. C'est dans pas longtemps. 2028, du coup. Avril 2018, c'est dans. Enfin, avril, c'est dans pas longtemps. Ton téléphone, ouais. Il a vraiment 8 ans dans pas longtemps. Hein. Attends, mais 8 ans, c'est bien, c'est le CE2. Hein. Bah ouais, hein. C'est le cours élémentaire 2 quand même, tu vois. Franchement, genre, 8 ans, pas mal. Hein. Enfin, non, cours élémentaire 1, vu qu'il a 8 ans. CE1. Ouais. Ouais, je me perds dans les trucs comme ça, mais ouais. Tu te rends compte ? Si t'avais eu un enfant en même temps que ton téléphone, il serait en CE1 à l'heure actuelle. Waouh ! Ah, je m'attendais pas à ça, mais ouais, non, mais carrément, j'aurais eu un enfant à... Attends, 2018 ? À 20... Non. À 22 ans. Bah, ah bah oui, ouais. si, c'est ça, 22. Un petit peu moins, genre ouais, 21 ans et demi, quoi. Ouais, c'est ça, oui, exactement. Des gens font ça, bon. Des gens font ça, mais après... Des gens font ça. Ouais. Oui, c'est vrai, des oui, gens font y a ça. Pas, c'est pas choquant, mais bon. Ok, donc les Y, ouais. L'emoji moche, ouais, là. Voilà. Et en fait, drôle, je devrais... Enfin, en fait, il a pointé un truc, et il avait raison. En septembre, quand on a discuté, il a dit, mais moi, si... En gros, il a dit, mais est-ce que tu te rends compte à quel point je dois être un connard vu que tous tes potes me détestent? Qu'est-ce que tu fais encore à vouloir me fréquenter? Ok. Et en fait, c'est ça l'ironie de l'histoire. C'est que lui... Enfin, c'est que je sais que c'est un sale type et j'arrive pas à me couper du truc. Lui vit mal le fait que mes potes me disent que c'est un sale type, ne l'apprécie pas... Parce que ça veut dire qu'il me fait souffrir. Et en même temps, il n'arrive pas non plus à arrêter le truc. Ouais, c'est fou, hein. Tu vois ? Il a une forme de conscience de... Qui me fait souffrir. Qui te fait souffrir ? Ouais. Ah ouais, ah oui, d'accord. Ouais. Je pense qu'il a cette forme de conscience-là, ouais. Et ce qui est tout à fait... ça arrive dans plein de relations dans la vie, hein, de savoir qu'on fait souffrir l'autre. Enfin, c'est vrai. Mais c'est intéressant, je ne savais pas ça. Mais du coup, quand je lui ai dit, bah, arrête de me faire souffrir, ouais. Il ne le veut pas. Eh oui. Parce que ça serait trop renoncer à sa liberté, machin, etc. Oui. Et donc la seule chose qui reste à faire, c'est moi qui dois couper. Et ça, j'arrive pas encore à le faire. Donc pour l'instant, je me contente de l'insulter en podcast avec mes potes. Et de raconter, ouais, très bien. Franchement, c'est une forme de thérapie. Ouais, et là aussi, il m'a proposé qu'on se voit. Et je lui ai juste renvoyé des photos de la formation où j'étais. On a un peu discuté. Et là, aujourd'hui, je pensais que j'allais passer par la ville de chez ses parents avant d'arriver à Lyon. Et je lui ai proposé qu'on se voit. Et en fait, il m'a dit qu'il n'était pas dispo. Et j'étais bien contente parce que comme ça, je lui propose. Et en même temps, il n'est pas dispo. Donc ça reporte. Ah, oui, d'accord. Tu vois ? Genre, t'as fait un pas vers lui, ouais. Mais il n'était pas dispo. Quoi. Mais je savais très bien qu'il ne serait pas dispo. D'accord. Parce qu'on est samedi. Ok, ok. Et qui, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, s'il m'avait dit oui, bah, j'aurais été contente. Et en même temps, je suis rentrée directement dans le centre de la ville, là. Je suis rentrée directement dans le centre de Lyon et je ne suis pas passée par la périphérie. Oui, donc ça t'a. C'est pas trop mal aussi. Ouais, voilà, c'est pas trop mal. Mais il y a vraiment ce truc où, en fait. Avant, j'aurais remué ciel et terre pour. Le voir, et là maintenant je fais aucun effort. Flemme. Ouais, flemme. Un peu ça, c'est un peu. J'ai la flemme de ouf. Tu t'économises un peu quoi. Ouais, voilà. Mot de la fin ? Si tu veux, si tu veux. Tu peux deviner le timing ? 1h45. Ah, t'es forte hein ? On t'a fait 1h45. C'est 44 là. Allez ! Je suis tellement intelligente. Ok. Ouais, c'est bon, tranquille. Je suis brillante. Un génie. Il brille dans la nuit. Wow. A shining star. A shining star. Il faut, dans un monde... Oui. Où, dans une société qui capitalise... Société. Dans une société qui capitalise sur la haine que les femmes ont d'elles-mêmes... Oui. Oui, il faut te saucer. Soyez brillante et dites-le, en fait. Soyez... ouvertement et sans vergogne aucune, complètement auto-centré et avec un senti et autosuffisant, enfin avec un sentiment de supériorité. Ok. Sentez-vous supérieur. Et surtout, sentez-vous supérieur aux hommes. Parce que vous l'êtes. Et ce qui est drôle, c'est que tu dis ça et tu as sincèrement l'air de croire ce que tu dis. Donc c'est trop bien. Mais alors, mais moi, la partie être odieuse et autocentrée et tout, non. Parce qu'évidemment, aimez-vous les uns les autres et soyez sympa, oui, tu vois. Mais par contre, on capitalise vraiment... Enfin, cette société, le patriarcat capitalise sur la haine que les femmes ont d'elles-mêmes. Oui, oui. Ah bah, en tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui ont bien besoin de, ouais, de sentir vraiment. C'est ça. Beaucoup plus qu'elles ne se. C'est très mal dit. Mais en tout cas, qui se dévalorisent beaucoup. Mais beaucoup, ouais, beaucoup. Qui sont dévalorisées par d'autres, c'est ça, par plein de choses, mais qui elles-mêmes, ouais, parfois, bichette, quand je. Ouais. On parlait des femmes. Mais c'est aussi. Il y a en partie une question de génération aussi, tu vois. Moi, j'ai des collègues de. La cinquantaine, entre 50 et 60, qui, elles parlent mal d'elles-mêmes, quoi. Elles sont... Mais oui. Et c'est elles-mêmes, tu vois, c'est jamais, le problème, il vient jamais d'un autre collègue, ou bien de... non, juste elles se détestent. De leur temps de travail, ou de, ouais, de la société, tu vois, c'est... Ah, et c'est fou, quoi. Donc oui, parfois, ça vaut le coup de... Il y a de la marge, quoi. Ouais, exactement. Il y a des gens qui pourraient se saucer un peu plus. Et c'est d'ailleurs ce que s'auto-saucer. Dit... Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié. On va retrouver. L'auteur trans espagnol. Paul Preciado. Paul B. Preciado. Paul B. Preciado, dans ma chronique préférée qu'il a fait pour Libération il y a déjà des années, ouais, sur Féminazie. Et tu sais quoi, peut-être que je pourrais la lire la prochaine fois. Le prochain thème, ça sera ça. Le prochain thème, ce sera... On commencera par la chronique de Paul B. Preciado. Okay. Et après, on enchaînera... Ok. Enfin voilà, et je pense qu'on pourrait. Bah, ou alors pour l'épisode avec Sandrine, parce que Sandrine aussi, elle s'aime beaucoup. D'accord. Et sans être auto-centrée, justement. Ok, ouais, ouais, ouais. Juste, elle s'auto-respecte. C'est bien. Elle s'estime. Et ça, je trouve ça impressionnant. Et c'est en la côtoyant que j'ai vraiment appris ah, à. Ouais. Ouais. Ça a amélioré ta confiance en toi et, ton, ouais, et la vision que tu as de toi. Ouf. Ouais. Je trouve ça trop bien. Mais Sandrine est exceptionnelle, hein, donc ça ne m'étonne pas. Mais Sandrine, tu es la bienvenue dans un prochain épisode, en fait. De ouf. Et du coup, oui. Paul Preciado. J'ai, en fait, je me confonds avec Pablo Servile et Paolo Coelho. Paolo, ah, ok, Coelho. Je connais l'un de l'autre. Ah, ah oui, Coelho, oui, ouais, ok. Donc voilà, vraiment naze, enfin bref. Mais pas autant que les mails du stagiaire. Stagiaire. Non. Il dit ça à un moment, il parle d'un truc sur les violences, en fait, que sur les violences, et il dit qu'il reste de la marge, il reste beaucoup de marge entre les violences que les féministes peuvent produire contre les hommes et les violences que, oui, les hommes ont produit contre les femmes, oui, ou que la société en général a produit contre les femmes, les minorités de genre, les minorités d'orientation sexuelle, etc. Donc, trop simple, trop intéressant. Et je le dis avec l'objectivité d'un chercheur qui comparerait un grain de sable et le Sahara. Okay. Il reste de la marge, beaucoup de marge. Ah, c'est beau. Hein. Et c'est vrai qu'il a des beaux mots. Je l'ai jamais lu un ouvrage en entier, mais moi non plus, j'ai lu que sa chronique. Mais les chroniques, hein. Enfin, ouais, il a des beaux mots, hein, franchement. C'est ça. Et ouais, pardon. Et du coup, t'as raison. Il reste de la marge. Ouais, ouais, je pense qu'il y a un truc de... Oui, et voilà, aussi dans l'appréciation que beaucoup de femmes ont d'elles-mêmes. Exactement. Et surtout qu'il faut s'estimer, mais pas pour écraser les autres meufs. Enfin, genre... Oui, après, oui, si ça rentre dans de la compétition féminine, c'est encore c'est autre chose, mais... Mais oui, je pense qu'il y a... Tranquille, quoi, on peut y aller, quoi. Ouais, il y a, voilà, de la marge. Donc, du coup, aimez-vous les uns les autres, et surtout, aimez-vous... Et reconnaissez vos qualités et dites-vous que vous êtes exceptionnel parce que vous êtes exceptionnel. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Oh, ça fait vraiment ça. Très podcast de développement personnel. Ouais. Mais je trouve que, du coup, comme je lis avec des éléments de sociologie, Paul B. Preciado et tout... C'est documenté. C'est un peu documenté, donc ça passe. Exactement. On a cité des gens, ça va de la Biélorussie à, à l'Espagne, en passant par la France, bien sûr. Ouais. Franchement, pas mal. Ouais. Pas mal, pas mal du tout. On a cité... Puis toi, t'es qualifié, ouais, en termes d'études, tu vois, notamment. Ouais, ouais, donc, c'est voilà, vrai, ouais. Des grandes qualifications. J'ai jamais fini mon master, mais des grandes qualifications quand même. C'est ça. Waouh. Presque deux heures. De bêtises. Et je ne sais pas comment finir, tu vois. Moi, je pense que je peux finir en te remerciant. Oh. Parce que Grégoire, il a fait des choses exceptionnelles. Donc, il y a eu la partie où il a organisé un truc exceptionnel pour mes 30 ans, mais ça sera pour un autre épisode. Et là, vraiment, depuis que j'ai déménagé à Grenoble et que ça va pas trop, il y a des moments, un jour, je lui ai dit « Hey, est-ce que je peux venir dormir chez toi demain soir ?» Et c'était un dimanche soir. Et il m'a dit oui. C'est vrai. Et à chaque fois que je viens, je souhaite son lit. Il me laisse son lit. Il y a toujours une petite serviette de toilette qui est prévue. J'ai le droit de manger dans tous ses placards. Genre vraiment, la dernière fois, je me suis servi, c'était trop bien. J'ai fait des... J'ai pas réussi à faire les pop-corns. Ah si, j'ai réussi à faire les pop-corns. Si, mais au début, j'ai cru que j'avais pas réussi. Mais en fait, okay. J'ai réussi à D'ailleurs, faire on en a pas fait là. On a non, dit qu'on en ferait pendant fait. Le podcast, mais bon. Et on fera pop-corn candy hop la prochaine fois. Ah ouais, tout à fait. Et après, eh ben, là, il m'a acheté une pizza, des pizzas, alors que je mange absolument toute sa nourriture. Il m'a acheté des pizzas et il a insisté pour les payer parce que, soi-disant, c'était pour fêter mon nouveau taf. Et donc, je pense que le mot de la fin sera un gros merci Grégoire pour d'être l'ami merveilleux que tu es. Je rigole beaucoup, mais je suis touchée. Merci. En fait, ça me touche beaucoup. Ouais. Je ne vais pas faire de blague là-dessus. Merci beaucoup. C'est trop un plaisir de t'accueillir. Il y a cependant un endroit où tu n'as pas refouillé là. Il y a des... C'est les placards de la... Ici, ah là. Mais oui, c'est vrai. Dans... Il y a des placards. Et il y a... Oh my god. J'adore. Ah, tu les... C'est des... Il y a des chips 3D. Tu aimes ça? Bah ouais. Et ça, c'est des cacahuètes? Non. Ouais, ouais, non, c'est du... C'est un mélange c'est télé. C'est un mélange, mais il est pas bon celui-là. C'est du Leader Press. Et là, j'ai quoi? Donc là, il faut savoir qu'on est en train de fouiller dans les accoudoirs du canapé. Oh, il y a un créma à l'orange. Vas-y, je le mange. Bah, vas-y. La pistache. Oh, il y a des pistaches. Et il y a... Attends, ça, c'est quoi? Oh oui, des Tagada, oui. Oh, mais c'est exceptionnel. J'adore recharger les accoudoirs du canapé. Mais moi, si je faisais ça, je les aurais. Ça, bien sûr. Tout mangé. Ah ouais, des Mikado. Les ouais. Mikado au chocolat, au lait, c'est le truc préféré. Au chocolat, c'est le truc préféré. Ah, il est au lait, celui-là. Je préfère les noirs. Bon. Ouais, les noirs, ils sont en rouge et les laits, ils sont en ouais, bleu. Ouais, c'est ça. Mais parfois, il n'y a pas de noir. Du coup, je prends du lait. Bon, bref, peu importe. Tu peux meubler en attendant que je meure. Ouais, bien sûr. Donc là, Grégoire est en train d'essayer de tousser. Enfin, il meurt, en fait. Même si on n'est jamais terminé. Oui. Et. Voilà, moi je ressors de cette semaine de formation, j'ai appris plein de choses et j'ai vraiment, je me suis vachement interrogée sur mes pratiques, sur mon positionnement et je pense que je vais continuer dans le scoutisme et je pense que j'ai envie de recroiser mes DT, mes délégués territoriaux dans quelques temps et je pense que ça pourra être l'occasion d'avoir une discussion vraiment forte sur à quel point je trouve qu'ils n'ont pas géré ma situation de cet été. Voilà, peut-être refaire le match. Ouais, mais je sais pas si c'est refaire le match ou juste leur dire. Ok, ouais. Parce qu'ils m'ont envoyé un message pour... Parce que Clémence de Magdala leur avait dit, elle est dans le même truc de la communauté de France, là. Ah, Mission de France. Des Missions de France que ouais. Eux, dans le même groupe. Ah, ils sont là-dedans, ok. Ouais, et donc... Ils ont été mis au courant par Clémence de ce qui s'était passé pour mon père. Ils m'ont envoyé un message et j'ai jamais répondu. Et là, j'ai reçu leur carte de vœux qu'ils font par mail chaque année. Okay, donc en fait, ouais. Je pense qu'ils ont pas bien compris. Peut-être, hein, c'est possible. Ou peut-être juste qu'ils m'ont pas enlevé de leur liste de diffusion. C'est possible aussi. Ouais, ça vaut le coup d'éclaircir ou de dire ouais. Si t'as envie d'exprimer, tu vois. Ouais. Parfois, les gens comprennent pas, hein, franchement. J'ai fini de meubler. Je pense qu'on peut... Pas mal, pas mal. Couper. Je pense qu'on doit être à 2 heures, là, en plus. Oh, pas encore, mais 54, tu vois. Ouais. Peut-être 52 pour les gens, si on coupe un peu le début. Mais franchement, je ne sais toujours pas comment terminer, mais merci pour tes remerciements. Et pour ton récit, puisque tu inaugures oui ce podcast. J'ai envie d'entendre Sandrine. J'ai envie d'entendre Richie. J'ai envie d'entendre des gens. Ouais, et de ouf. Voir jusqu'où ça peut nous mener. Ouais, de ouf. Probablement pas très loin, mais... On fera un tour de France. Ah ouais. C'est moi qui conduirai, t'inquiète pas. Exactement, j'espère bien. Grégoire n'aime pas conduire, mais moi j'ai pas encore le permis. J'aime bien conduire sur l'autoroute. C'est pas et la pas vraie conduite, ville. Ça. Ouais, bah, c'est pour ça que je... moi c'est le truc facile, moi. Ouais. Voilà, conduire des gens. Si tout seul, non, c'est... J'aime pas. Bah écoute, si tu veux, je te conduirai quand tu feras ton tour de France des podcasts. Énorme. Yes. Tu pourras me produire aussi. Ça, tu es la productrice, tu conduis. Ça veut dire quoi, produire? Produire, c'est tu t'organises tout ce qu'il y a autour d'une émission. Tu vois, tu contactes les gens, tu cales le lieu, tu trouves des idées aussi pour le contenu du truc. Produire, c'est aussi dire est-ce qu'il va y avoir telle rubrique, telle... Ça se discute. Ça, ok, on peut en discuter. On en discute. Je peux aussi, moi, le faire, en fait. Je peux tout à fait le faire, moi. Oui, c'est vrai. On peut être coproducteur. Ouais, soyons coproductrices. Franchement, ça va, hein. C'est pas mal, hein. Je pense que c'est une bonne ligne à ajouter à mon CV. Coproductrice du podcast Confession sous Candy Up. Ouais, du fameux podcast. Ouais. Et franchement, je pense que ça peut faire bien. Franchement, pas mal, hein. Ouais. Puis le mot productrice, il est fort. Tu vois, tu peux tout mettre derrière, quoi. Ah, de ouf. C'est trop stylé. Comme chargée de mission. Oui. En un peu moins vague, je trouve. Comme chef de projet, tu vois. Ouais. Et le pire, c'est consultant, bien sûr. Ah, mais bien sûr. Horrible, hein. Oh, nice. Ingénieur projet. Ah ouais. Ah, ça m'intrigue. Chargé de produit. Ah, chargé de produit. Ah, dur, dur, dur. Ouais. CEO. CEO. Pardon, LinkedIn. Ouais, vraiment. Excusez-nous. T'sais, j'ai toujours pas enlevé ma bannière Open to Work sur LinkedIn que j'ai mis. Le petit rond vert, là. Ouais, depuis, je pense, mai 2024. C'est trop drôle. Voilà où on en est de LinkedIn. Mais bon, j'ai vu que je vais... Sans vouloir flexer, mais en le faisant un peu, ouais. J'ai fait 2 entretiens dans l'embauche dans ma vie et j'ai été prise à chaque fois. Ouais. Donc. Mais sans flexer, quoi. Sans vouloir. Sans flexion aucune. sans flexage aucun. Aucun flexement. Non, aucun flexement. Donc. Closed voilà. To work. Et donc, du coup, bah là, I'm employed. Et je pense que je vais même pas. Je ah vais oui, même tu vas pas faire. Mettre à jour. J'ai le plaisir de vous annoncer que je travaille à nanani nanana. Parce que vous savez quoi. Fais le pas, ouais. Fuck LinkedIn. Ouais, ouais. LinkedIn va bien te faire voir. Je pense que tu peux quand même mettre à jour ta rubrique, mais pas tout de suite, c'est dans 6 mois. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et ouais, grave. Et j'enlève le open to work. Voilà. De toute façon, c'est pas comme si j'avais des offres sur LinkedIn. Hein, oui, voilà, c'est ça. Mais oui, non, mais bien sûr, mais de toute façon, je mettrai à jour ma rubrique, évidemment. Ça, c'est fort, ça. Et puis, en fait, je mettrai des trucs genre. Cette semaine, à l'occasion de la semaine de lutte contre la mode, machin, nanana, nous avons reçu telle personne et tout, tu Exactement. Vois. Et donc, j'aurais pas dit j'ai rejoint le machin. Mais c'est là que les gens vont voir ce post, vont dire attends, mais j'ai raté un truc incroyable, mais Gabriel, ouais. elle bosse à l'UGA et tout. Ouais. Oh, et ils vont dire félicitations et tout. Ouais. En langage LinkedIn. Félicitations, bravo, j'adore. Horrible ce réseau, quoi. Affreux. Horrible, mais drôle. Mais drôle. On finit ? Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. On peut finir sur des bruits horribles de nourriture. Ah ouais.